L'émission Hors-jeu vous est présentée par le danslescoulisses.com. Le danslescoulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, le danslescoulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Tout le monde, bienvenue dans Hors-jeu. Hors-jeu, c'est quoi? C'est un podcast sur le hockey animé par JB Gagné, moi-même et Jerry Godbout. Salut Jerry! Salut JB, ça va? Et co-animé par Jess Chaplot cette semaine. Salut Jess! Salut, ça va bien? Applaudissements de golf. Ouais! Ouais, ça va bien Jess? Ouais, ça va. Depuis le temps que tu nous écœurais, venez sur le show. Ah oui, c'est fou, j'arrêtais pas de vous achaler à chaque semaine. Puis là, on va enregistrer ça un mardi à 7h15 le matin. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, cet horaire de merde-là? Là, j'ai appris aujourd'hui que c'est la faute à quelqu'un en particulier. Là, on oui, nommera c'est pas, tout là. Le temps de la faute à quelqu'un. C'est ça qui a pas parlé. Là. On te pointe en sifflant. Je ne suis pas capable de siffler. Moi, ouais, je viens de voir le talent. Et là, bon, on enregistre en plein vendredi matin, 9h52. C'est tellement mieux qu'un mardi de 7h, mais bon. Jess, bienvenue. Tu vas voir, c'est une belle ride. On a du fun. Tu te laisses aller. On a différents sujets. T'en as comme une barouette pleine. Mm-hmm. Comme nous autres, c'est fou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de show, fait qu'on se permet d'y aller avec beaucoup, beaucoup de matériel. Mais avant de commencer, épisode 15, chandail numéro 15, notre vedette, Ryan Getzlaff. OK. Je pensais que t'allais nommer la vedette du Canadien. C'est comme bon. Non. Et nos nobody. Et j'en ai deux, parce qu'il y a comme une thématique sexuelle là-dedans. James Camazzola. Kamasutra, Kamazzola, et Steve Clippingdale. Chippendale. Moi, j'ai fait comme, oh yeah, un beau duo. Kamazzola, lui, il a fait comme 3 matchs dans la Ligue nationale, 0 points avec la formation des Blackhawks de Chicago en 86-87. Fait que si tu le connais, champion, félicitations. Sinon, Chippendale, c'est avec les Kings, puis avec Washington, 76, en tout cas, 16 matchs en 1976 avec les Kings et après ça en 79, donc 3 ans plus tard, 3 matchs avec Washington et il a un but, 2 passes. Voilà. Vous êtes plus ignorant maintenant que tantôt. Il y a le célèbre Andy Conyward aussi qui l'a déjà porté. Ouais, il y a Paul McLean aussi, mais le Morse, là, l'ex-coach des Sénateurs, là. Qui l'a porté aussi, mais bon, écoute, c'était juste pour des noms drôles. Puis, je suis en train de me rendre compte que cette thématique-là de noms drôles s'essouffle tranquillement pas vite. On va peut-être enlever ça pour les prochains shows. Hein, c'est de work in progress, là, c'est ça. Comme je dis souvent, moi, je suis en constant rodage. Oui. Exactement. On décolle. Un sujet. Vu que t'es l'invité, Jess, vas-y, go! OK. Ben, tu veux qu'on parle? J'ai une petite question. Ben, en fait, c'est pas une question, mais c'est par rapport au tant qu'à ça, je veux dire, on va parler de Montréal. Les séries approchent. Donc, en ce jour présentement, si on commence les séries, on joue contre les Sénateurs d'Ottawa. Puis je voulais savoir pour vous, là, est-ce que les Sénateurs, c'est une équipe le fun à affronter? Vous aimeriez mieux affronter, c'est ça, je me dis. Affronter une autre équipe, si oui, laquelle? Pingouin! J'ai la même réponse, juste pourquoi? À cause qu'ils sont un pingouins. Peu amochés. Hein? J'ai le goût d'affronter Pingouin. Moi, un club avec 5 défenseurs, j'aime déjà, ça. Déjà, ça part bien. Avec 5 défenseurs, dont des défenseurs vraiment pas bons, Je pense qu'il y a genre Ben Lovejoy là-dedans. Ouais. Fait que déjà, ça va bien quand t'as Ben Lovejoy dans ton team. Là. Fait que j'avoue. Ah, puis Malkin, Crosby, ils ont pas de l'air à 100%. Puis Fleury, c'est un choker à Montréal. Fait que... Non, c'est ça. Ouais, ben, Fleury, c'est un choker tout court. Mais ouais, à Montréal, c'est encore plus. C'est ça. Fait que, ok, ben on est d'accord là-dessus. Ça a été un beau petit sujet. C'est... Parce que je me disais, il y aurait peut-être d'autres équipes qui pourraient être intéressantes. En même temps, si on pogne Boston, Rask aussi a de la misère à Montréal. La seule équipe qu'on veut pas pogner finalement dans les 7, 8, 9 là, qui sont sur le bord là, de faire les séries, c'est vraiment Ottawa. C'est parce que on le sait pas, tu sais. Moi, je trouve que Andrew Hammond, c'est une ballonne. C'est un goaleur, il vient de popper de la Ligue américaine, puis monsieur goal sa tête. Ça, il prend juste un mauvais match en série, que le momentum est plus là, le mental est shaké, merci, bonsoir, c'est terminé. Sauf que si ce match-là, il arrive pas, ou il arrive vraiment tard dans la série, ils peuvent nous clencher, puis qu'on n'ait plus rien faire, genre, pour aider notre cause, hein. Ça, c'est Ottawa. Ottawa, c'est un club pas juste du goaler, justement. Oui, Hammond, il, comme tu dis, moi, je suis 100% d'accord avec toi parce que tant qu'à moi, c'est le Leighton de cette année, là. C'est-à-dire un goaler qui était même pas bon dans la Ligue américaine, puis qui, là, cette année, genre, il goal vraiment au-dessus de sa tête. Mais c'est une équipe, je regardais la profondeur de cette équipe-là. Sur papier, c'est pourri. Mais tu regardes les joueurs, ils performent tous. Tous des jeunes qui performent, qui étaient nuls, qui étaient rien l'année passée, là, genre Stone, puis Hoffman, puis, tu sais, Zibanejad, finalement, il a décollé un peu. Fait que moi, c'est une équipe qui me fait quand même très peur. C'est comme si, genre, on avait Bournival à Montréal, puis c'était lui qui traînait le club. Ottawa, c'est ça, actuellement. C'est ça, exactement. T'es Hoffman, c'était qui, lui? Il a 27 buts, puis c'était rien, le gars-là. Mais... Fait que moi, c'est une équipe qui me fait très peur. Puis comme tu dis, c'est pas mal la seule équipe que je voudrais définitivement pas affronter. T'sais, même des équipes plus hautes comme mettons les Islanders, ça me dérangerait pas tant, parce que justement, je me dis, il y a Halak, mais t'sais, Halak, ça peut aller des deux bords. On a parlé pré-show, là. Fait que, en tout cas, c'est pas mal ça, mon opinion, moi aussi. Là, Pittsburgh, ça serait le fun. Détroit, j'haïrais pas ça non plus, même si sont meilleurs, tant qu'à moi, que Pittsburgh. Détroit, ça pourrait être faisable. Hey, ils sont bons, mais ils se sont fait planter toute l'année par Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Hey, moi, j'ai le goût juste de parler salaire un petit peu, là. Juste pour le fun, là. Essayez là, de deviner le salaire de Mark Stone cette saison. 800 000. Non, c'est le salaire de base. 675. Non, 575 son salaire cette année, mais en moyenne, c'est 8,73 sur le plafond salarial. Mike Hoffman, 750 000. Et Pajot, c'est incroyable. Son capit, c'est quoi? Je sais pas, il est dans le négatif. Il est payé. Non, son cap hit, c'est 0.383 000. Ah, ben ouais. Eh, mon Dieu. Ah, ça doit être parce qu'il a joué comme en partie Ligue américaine ou je sais pas quoi. Là, je sais pas comment est-ce que son contrat est monté, mais c'est pas un contrat de recul. Probablement qu'ils ont été cherchés comme agent libre ou quelque chose comme ça, puis ils l'ont signé vraiment bas. Mais écoute, son cap hit, c'est 383 000 sans masse salariale. Ça a comme pas de bon sens. Puis le gars, écoute, pas le dernier match, mais le match d'avant que j'ai regardé contre Toronto. Là, il était Hockey Night in Canada. Il a décollé le match, tu sais, c'est la première ligne. Investissement dollar, tu sais, qu'est-ce que ça donne là, en retour, là, ce gars-là, tu peux pas battre ça. Là. Actuellement, c'est payant pour l'équipe. Là. Puis à un moment donné, dans sa carrière, il y avait comme, tu sais, genre 3 buts en carrière, puis c'était tout contre Montréal. Là. C'était comme le Dominic Moore, mettons, du temps. Là. Il était tout le temps, il marquait tous ses buts contre Montréal, fait qu'il faudrait pas l'affronter, parce qu'il va comme nous tuer à lui tout seul. Cap hit de Andrew Hammond cette saison avec les Sénateurs, 310 000. Ah, ouais. C'est ce qui vaut sur la masse salariale. C'est payant. C'est payant. Eux autres, s'ils font une série, ça n'a pas coûté cher. Il est payé 720 000. NHL, là, mais tu sais, pas toute la saison. Mais mettons qu'il avait fait l'année au complet, c'est 720 000. Mais ce qu'on va chercher comme salaire, c'est le pourcentage de temps qu'il a passé dans l'équipe. Puis ça donne 310 000 sur la masse salariale. C'est rien. C'est comme 30 000 par victoire, c'est quand même pas pire. Ouais, dans la Ligue nationale, c'est un bon ratio. C'est excellent. Donc, ça fait le tour. On veut pas pogner les Sénateurs d'Ottawa. Non. Juste... On est tous d'accord. Non. Parce qu'une équipe avec le momentum, ça fait peur. Jerry, sujet. Ben justement, on vient de parler des Sénateurs. Les Sénateurs qui vont faire partie des séries. Ça veut aussi dire moins de chance pour McKinnon. Je voulais savoir, dans le fond, pour vous, McKinnon, où c'est que vous voudriez le voir? Et où pensez-vous qu'il va? Bon, on s'entend qu'il va probablement aller à Buffalo. Là. Non, mais... c'est McDavid ou McKinnon? Ouais, t'as dit McKinnon. Moi, j'ai dit McKinnon, mais McDavid, c'est la même chose. C'est le même joueur. Ça. McKinnon ne bougera pas, je te le dis. Là. Non, non. McDavid, là, check bien ça. Là. Ben, parce que j'avais vu une nouvelle. Écoute, c'est capoté cette affaire-là. OK? Il y a un scandale qui s'en vient dans la Ligue nationale. On le voit venir là, tranquillement, pas vite. Là. La Ligue nationale ne diffusera pas la loterie en direct à la télévision. Va simplement présenter un reportage une fois que ce sera fait pour montrer c'est quoi l'alignement pour l'ordre de sélection pour le repêchage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils ne veulent plus faire un spécial de 2 heures à TSN que tout le monde se fout. Ouais, entre autres. Mais ça veut surtout dire qu'il n'y a personne pour vérifier. Puis la Ligue nationale, c'est une entreprise privée, puis elle peut bien faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce que ça avantage, ça, en termes d'équipe? Qui tu veux que... Tu sais, mettons que t'es la Ligue nationale. Qui tu veux qui ramasse le gars? Si t'es la Ligue nationale, ouais. Tu veux pas que ça soit Edmonton. Non. Tu veux soit aller vers un club fort comme, mettons, Toronto. T'as un club pas fort, F-O-R-T, mais fort, F-P-H-A-R-E. Bref. Ou tu veux aller, genre, l'envoyer en Arizona pour essayer de booster l'Arizona. Okay, moi, c'est le même que je vois ça. T'as la moitié de la réponse. Moi, je pense que c'est soit l'Arizona pour faire survivre la concession... Mm-hmm. Ou Toronto, parce que c'est même sans faire les séries, c'est le club qui a la plus grande valeur dans la Ligue nationale. Imagine avec McDavid. Tu viens d'augmenter la valeur totale de la Ligue de 122 000 %, là, juste avec ce gars-là. Fait que moi, ce que j'ai peur, c'est que oui, les Sabres, oui, les Oilers ont des chances, mais avec une loterie qui est cachée, check bien ça, ça va être Toronto. Puis moi, j'ai pas le goût de détester McDavid toute sa carrière, fait que je veux pas qu'il aille à Toronto. Parce moi que non plus. Avec Toronto, je vais être pogné pour le détester. C'est plate, là. Ben, moi, ce que j'aimerais vraiment, là, c'est qu'il aille... Excuse-moi, Jerry, vas-y. Oh, c'est bon, ben, vas-y, tu t'es rendu plus loin. OK, ben... moi, ah, bon. La moi, ce que j'aimerais vraiment, honnêtement, premièrement, c'est qu'il soit pas dans l'Est. J'aime beaucoup McDavid, mais j'aime beaucoup, j'ai jamais vu jouer, là, mais je veux pas, comme tu dis, le détester, puis je veux pas tout le temps être pogné dans ses jambes. Là. Fait que j'aimerais ça qu'il aille dans l'Ouest, puis je trouve que ça serait le fun qu'il aille dans un club qui a pas tanké. Fait que Los Angeles, j'aimerais ça, moi. Parce que je trouve qu'il serait justement dans un marché qui est quand même relativement bon pour le hockey présentement. Puis en plus, il se retrouverait dans un bon club. Il se retrouverait pas dans un club de marde pendant 4-5 ans. Puis justement, c'est pas un club qui a tanké. Fait que pour une fois, tu bâtis pas comme les Oilers. Imagine que, mettons, les Sénateurs font les séries puis qu'ils ont une immense chance de la mort et qu'ils l'aillent. Ça, t'aimerais-tu ça, par exemple? Parce qu'eux autres non plus, ils n'ont pas tanké, là, même qu'ils ont fait un gros rush pour aller en série, qui ben, a donné fruit, puis ils amélioraient leur club pour l'année prochaine. C'est sûr qu'il faut qu'ils ne fassent pas les séries pour ça, mais s'ils ne font pas les séries puis qu'ils l'ont, ben, honnêtement, je vais être moins content que les Kings, juste par principe, parce que les Sénateurs sont dans l'Est, mais de mon côté, au moins, je serais content parce que ce ne serait pas justement Edmonton, Arizona, Buffalo, Toronto, tu sais. Des équipes qui ont comme des semi-tankages, là. Ouais, ben, Buffalo, mais moi, Edmonton, ça fait 3 ans qu'ils tankent. Moi, le tankage, j'aime ça. Je vais être plate, là, mais, tu sais, les Penguins, ils ont tanké, tu sais. Les Blackhawks, ils ont tanké, aux autres aussi, là, à une certaine époque. On s'en rappelle plus là, aujourd'hui parce qu'ils ont du succès. Là. Mais ils ont été dans le bas-fond pendant longtemps. Là. Les Blackhawks, là, sincèrement, là, c'était sur le bord d'être à vendre, là, cette équipe-là, parce qu'il y avait, ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas fait les séries qu'il n'y avait plus personne qui allait voir l'équipe. Là. On s'en souvient plus. Là. Mais c'est bel et bien ça. Là. Puis les autres aussi, ils ont repêché très très haut, là, overall. Là. Repêcher haut ne veut pas dire nécessairement non plus tanker. Je veux dire, tu peux repêcher haut quelques années sans avoir nécessairement fait exprès. Buffalo ont fait exprès. Buffalo, là, quand tu fais goaler, quand tu échanges Enroth, qui est comme ton meilleur goaler, contre un goaler de marde, puis tu le fais goaler, genre. Puis quand il commence à gagner, tu le fais plus goaler. C'est parce que c'est signe que tu tankes beaucoup. C'est ça. Puis je suis d'accord avec toi, JB, là-dessus. Si j'étais GM dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, j'aurais tendance à vouloir tanker justement aussi pour pouvoir justement repêcher des bons joueurs, surtout une année comme cette année où c'est que tu peux avoir le dernier à Eichel automatique. Là. Fait que tu sais, c'est déjà encourageant. Là. Buffalo, c'est sûr qu'ils ont Eichel. Fait que, ben, à moins qu'Arizona, à moins qu'ils battent Arizona, là, mais ça serait quand même. Je pense que l'écart de points est trop élevé. Ouais, 54 points contre 56, moi. C'est possible. Mais tu sais, mettons que t'es deuxième, t'es avant-dernier, t'as quand même un bon choix aussi. Là. Mais t'es sûr d'avoir McDavid ou Eichel si tu finis dernier. Fait que tu sais, on s'entend que c'est l'excellente année pour tanker, mais puis je le ferais, sauf que j'ai tendance à dire que c'est cheap un peu, puis j'aimerais ça que pour une fois, ça soit pas Oilers, ça soit pas une équipe qui a visiblement tanké, puis que ça soit une équipe qui est bonne régulièrement, tu sais. Mais ben, cette année, il y a juste une mauvaise année. Moi, je préfère une équipe qui tank de la bonne façon, qui le fait comme du monde, là. Au lieu d'une équipe qui se dit « Ah, je vise les playoffs 7, 8, mm-hmm. 9, 10, là, tu sais, rang, là. » Je préfère bien mieux ça, tu sais, tant qu'à avoir un club moribond pendant des années, « Ah ouais, fais le ménage, tu sais. » Ben, voyez pas ça, moi, il me semble qu'en tant que DG, je me dis, bon, ben, tant qu'être pas sûr de gagner, puis d'avoir aucune chance, puis de faire juste une ronde, on va sacrifier deux saisons, trois max, pour faire ça comme du monde. Tu commences par repêcher des défenseurs, puis après ça, tu repêches des attaquants, puis tous ces jeunes-là vont grimper en même temps, vont riser vers la gloire tous en même temps, puis tu vas avoir une équipe qui va être dominante pendant des années. C'est ça que les Blackhawks ont fait. Ils ont commencé par les défenseurs, puis après ça, ils ont été chercher les attaquants. Leurs attaquants sont bien plus jeunes que leurs défenseurs. Et le résultat est là, année après année, depuis 6-7 ans, c'est des contenders à la Coupe Stanley. Moi, c'est le même que je veux faire ça. Ben moi, le phénomène du tankage, j'aime mieux quand il est subtil. J'aime pas comment Buffalo le font, mettons. T'sais, ils disent pas alors, moi, j'adore. À 100%. Là. J'adore. Tu sais, comme moi, là, les fans qui applaudissent que, mettons, l'autre équipe score, là, je fais « Ouais ». Honnêtement, tu peux pas contrôler les fans, là, mais je fais comme « Ah, moi, je trouve ça pathétique. » Je fais comme « Je comprends que vous le voulez, là, mais imagine les joueurs de Buffalo. » Ouais. Ça doit tellement être plate. C'est... Mais je m'en fous des joueurs. Je me fous des joueurs, puis je me fous des fans. Fuck it. Non, mais les fans sont contents. Pourquoi sont contents? Parce que leur équipe n'a pas été moribonde pendant 10 ans. Oh, mais imagine qu'ils l'aillent pas. Pis! Pis! Ah, mais moi, en tout cas, j'aime pas quand c'est visiblement. Tu sais, c'est quand même Toronto, là. Suspendre Kadri, invente quasiment une raison. La Ligue nationale le suspend après ça. Écoute, regarde, c'est ça. Ah ouais, après ça, ils descendent des. En tout cas, ils font pas jouer des joueurs pour quelconque raison. Comme, je comprends pas. Tu sais, eux autres aussi font, ben, on va le faire, mais. C'est pas subtil, là. Mais c'est déjà plus subtil, genre, que Buffalo. Ah, il y a une suspension. Ah, mais. Tu peux pas leur en vouloir. Toronto, ils ont été trop épais, là. À date limite des transactions, fallait qu'ils vident le club. Tout ce qui avait du talent, fallait qu'ils l'échangent contre des pics, puis ils l'ont pas fait. Fait que, tu sais, oui, ils font du. Oui, ça, c'est négatif. Parce qu'ils l'ont pas fait comme du monde. Fais-les comme du monde. Vide le club, après ça, sois mauvais. Là, ils ont le club plein de leurs erreurs, puis ils performent pas. Moi, c'est juste. Toronto, ça démontre comment est-ce que leurs dirigeants sont mauvais. Comment la gestion de l'équipe a été mal faite. Buffalo, ça montre comment est-ce que leurs dirigeants sont intelligents et qu'ils ont voulu être dans cette position-là pour mieux revenir. Petit bémol pour Buffalo. Petit bémol, par exemple, aller signer Georges, aller signer Molson à des contrats de merde. C'était ça le but. mais justement, si tu veux tanker, si tu veux vraiment aller all-in dans le tankage, signe pas des vieux pas bons comme ça. Mais ça te prend quand même du monde pour remplir les jerseys, là. Ben, tu mets des pas bons genre de la Ligue américaine. Si tu veux vraiment tanker solide, là, garde-toi ton cash et ton cap room dans le futur parce que là, tu te retrouves avec... Parce que t'as un plancher. T'as pas le choix. Les sortes, c'est le plancher. Mais va te chercher des bons joueurs d'abord. C'est pour ça que tu signes James à 4.5. Ben non, tu veux pas aller chercher des bons joueurs. Tu veux tanker, tu sais que ton club est vide. Mais oui, mais c'est parce que là, tu te retrouves avec des joueurs pour 4-5 ans, des joueurs qui sont surpayés et qui sont pas bons. Ce qui me fait chier avec ça, c'est que là, tous les joueurs se comparent après ça, puis là, tous les salaires augmentent, puis là, ça fait des contrats à Steven Weiss de 5 millions à Détroit, puis des contrats vraiment dégueulasses comme ça. Ou c'est que tu dis aujourd'hui, on a signé, mettons, Lars Eller à 4 millions, là, ben ça, là, c'est une aubaine parce que le gars a eu 28 points. C'est rendu ça, la Ligue nationale. Je suis complètement d'accord avec toi, sauf que pour les Sabres, c'était vraiment d'aller chercher le plancher salarial, puis c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils visaient. Et à un moment donné, c'est parce que ça faut que tu justifies le salaire à des gars, puis la réputation d'un Gianta te permet de pouvoir lui offrir un capite de 4,25, tu sais. Alors qu'un gars de la Ligue américaine, que tu lui donnes ça, ça a comme pas de bon sens non plus, là. Tu viens de buster les règles salariales de la vie, là. En tout cas, il y a quand même 33 points, là, Dianta. Écoute, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est comme Heller, là. Bref, c'est bon. J'ai fini mon petit rant anti-Buffalo. En tout cas, moi, je suis d'accord avec eux autres. Je veux qu'on... On continue dans les blessés. On parlait tantôt, là, Pittsburgh, là, ça va pas bien. Puis, je veux faire entendre un petit truc, OK? Fermez vos boîtes, les gars. Ça, c'est plate parce qu'on n'est pas à TV, là. Ça, c'est le coup, celle la plus récente, commotion cérébrale de Christopher Le Temps. Le paf, là, que vous entendez... Faire écouter. Juste le fun. Ce paf-là, c'est la tête de Christopher Le Temps, sa baie vitrée. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ouf. C'est... Plus lui, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Mais lui, il va revenir au jeu. On en jasait, moi et Jess, en dehors des ondes. Puis moi, là, si j'étais Mario Lemieux, je dirais, là, petit bonhomme, là, je vais te payer. Tu vas avoir ton salaire, mais tu t'habilles plus. Tu restes dans l'entourage de l'équipe. Si tu veux, je peux te donner une job administrative. Tu peux aller faire du scouting, mais t'embarques plus sur la glace. C'est de mettre ta vie en danger. Tu vas te tuer sur la glace. C'est pas une bonne idée pour toi de revenir. Puis en plus, Mario Lemieux, avec toutes les blessures qu'il a eues dans sa carrière, s'il y a un gars qui peut comprendre c'est quoi là, d'hypothéquer son après-carrière... Parce que t'as été trop magané, c'est bien lui. Christopher Le Temps a tout eu, là. Des commotions cérébrales, des blessures partout sur le corps. Pour vrai, ce gars-là, je pense qu'il est mort en dedans, puis il sait juste pas. Son cerveau est tellement déconnecté qu'il s'est juste pas rendu compte que le reste est mort, là. C'est une momie sur deux pattes, Christopher Le Temps. C'est dangereux. Faut pas qu'il remette les patins. Vous, est-ce que vous le laisseriez revenir au jeu? Personnellement, en tant que, entre guillemets, gestionnaire, administrateur d'une équipe, là, si j'étais Mario Lemieux, je pense que tu peux juste pas non plus forcer un joueur comme ça parce que côté logistique, ça marche pas. Tu peux lui dire retourne à la maison, mais comme tu dis, il va falloir le payer. C'est comme le suspendre, dans le fond. Oui. Mais là, le suspendre, c'est comme tu le payes pareil. Là. Fait que mais il est blessé. Oui, là, il est blessé. Il est sur la liste des blessés. Mais quand les médecins vont le clairer, ils vont dire ben là, il peut revenir parce que sa commotion est réglée. Si elle n'est jamais réglée, ça va faire un Chris Pronger. Fait que c'est correct, entre guillemets, parce qu'il ne compte pas sa masse salariale. Je pense qu'il compte juste les premiers 800 000, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, l'équipe, elle peut prendre l'argent alloué pour mettre ça sur un autre joueur. Puis en même temps, ben, le joueur lui reste à la maison puis il est payé quand même puis tout. Fait que, tu sais, c'est comme correct pour le joueur en question. Mais si il se fait éclairer par les médecins pour dire tu peux retourner jouer, ben Mario Lemieux, s'il dit non, tu restes à la maison, c'est comme s'il le suspendait pour une raison quelconque. Même si c'est pour son bien à lui, là, ça reste qu'il suspend puis il faut qu'il paye pareil pour son contrat de marde qui reste pour plusieurs années encore. Fait que côté logistique, tant qu'à moi, ça se fait juste pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer de le convaincre. Tu peux essayer de dire, regarde... Prends ta retraite, je te donne la même valeur, mais pas sur la masse salariale de l'équipe. Exact. Moi, là-dessus, je suis un peu d'accord avec toi. Tu peux essayer de le convaincre, dire, regarde, là, côté santé, c'est pas une bonne idée, mon cher. Fais pas ça, puis tout. Mais s'il insiste, tu peux pas le forcer. Parce que sinon, tu le suspends, puis je suis sûr que la NHLPA va embarquer là-dedans pour faire de la chenoute. Là. Rendu là, tu l'échanges. Si tu n'es pas capable de le convaincre... Mais personne ne va le vouloir. Là. À ce contrat-là, personne ne veut le temps. Même s'il donne 45 points par année, là, cette année, il y a un point par match quasiment avant de se blesser. Il va donner 45 points, puis il va se reblesser, puis il est trop à risque. Fait que, le temps, tant qu'à moi, il est brûlé pas mal. Là. En tout cas, à moins qu'il te sorte plusieurs bonnes saisons de suite, un peu comme Markov. Markov il était brûlé à un certain moment donné avec son genou. Là, aujourd'hui, Markov... On en reparlait encore là, pré-chaud, mais Markov, il y a quelques années, il avait une valeur écœurante. Aujourd'hui, il en a encore une très bonne, mais là, vu son âge, peut-être un peu moins, mais quand même. Fait que le temps, il faut que tu espères soit qu'il revienne puis qu'il soit en feu, puis qu'après ça, tu peux l'échanger, ou tu essaies de le convaincre. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas le forcer tant qu'à moi. Non, je pense pas que tu peux le forcer. Tu sais, JB parle de l'échanger, là. Puis, il y avait de quoi qui avait sorti ça un temps, là, pas long, là, que les Bruins allaient peut-être échanger le contrat de Savard. Ouais. Mm-hmm. ça ruinerait quasiment au même. Si le gars, mettons, il, parce qu'on s'entend, il a super mal à la tête, puis que ça marche pas, puis que, tu sais, le corps, s'il veut vraiment pas suivre, tu sais, on sait pas combien de temps il va sortir, là, puis tu sais pas quand il va revenir, tu, à date, il y a rien, là, c'est du brouillard. Tu sais, si, mettons, il revient pas pendant les séries, il revient pas, genre, au début de l'année passée, comme, mettons, Crosby, là, ça a pris combien de temps avant qu'il revienne, là, quand il a eu sa deuxième commotion cérébrale collée, là? Ça a pris genre 6 mois. Ouais, c'était vraiment super long. Mais c'était les tissus mous du coup. Ça compte pas, là. Les tissus mous du coup. Ouais. D'ailleurs, sur le temps passant, j'ai habité à Havre-Saint-Pierre, donc dans le coin de Sept-Îles. Puis c'est un chiro de Sept-Îles qui l'a guéri. Assez intéressant. Que, la technique pour le soigner, là, ouais, c'était 3 spécialistes, dont un de Sept-Îles. Fait que c'est weird, là. Ah mon dieu, c'est plus touchique. Ouais, à cette île, ils ont des techniques, là, c'est du Reiki amérindien, là, pis non, non, c'est pas vrai. Christopher Le Temps, contrat de 8 ans, signé en 2014-2015, donc il reste 6 ans encore à son contrat. 7,25 sur le plafond salarial. Oublie ça, y a personne qui va prendre ça, là. À moins de faire un échange à la Columbus-Toronto, là, genre... Le Temps contre un joueur surpayé vraiment pas bon, là. Puis il espère, mettons, tu sais, comme Columbus, on dit, bon, au moins on a Clarkson qui joue, point. Puis Horton, ben, il est payé par Toronto. Fait que, tu sais, c'est comme lose-lose, là, au lieu d'être win-win. Ouais. Fait que peut-être qu'ils vont faire la même chose, mais vite de même, je pense pas que ce soit des plans non plus, là. Je pense qu'ils vont peut-être plus essayer de le convaincre. Ou peut-être qu'il va juste être jamais éclairé par les médecins aussi, là. Ça se peut que les médecins disent, c'est fini, là, oublie ça. Là, dans ce cas-là, il est obligé de prendre sa retraite par défaut. Ou de faire comme Marc Savard, mettons, puis être payé pendant des années. Ce qui est peut-être plus logique. Comment ça va être une belle retraite, hein? Ouais, c'est pas pire. C'est... 6 ans à 7,25, là, ben, moi, je prends ça anytime, là. En effet. Tu piles ça en dessous de ton oreiller, là, pis t'es gros dur, là. Exact. Ça te fait un méchant oreiller aussi. Ouais, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est une carte de crédit, ça, c'est moins épais. Ouais, finalement. Je veux qu'on parle un petit peu du Canadien de Montréal. On se permet-tu? Ben oui. On peut. On a jasé de plein de monde, là, mais le Canadien de Montréal... Moi, j'ai vu une nouvelle hier. C'est le Canadien 18.5 Sport qui lançait ça. C'est tiré, puis j'ai même sorti l'image tellement que c'était comme... Je comprenais pas, là. Je fais comme... OK. C'est trop spectaculaire. Le titre. Flynn remplace Pacioretty face aux Wings. Je suis tellement content que tu parles de ça, là. La question est... Est-ce que Bergevin a fait le travail nécessaire pour assurer le succès de son équipe en vue des séries? En cas de blessure... Je vais laisser Jerry démarrer. T'as l'air content, t'as l'air excité. Ouais, ben en fait, c'est parce qu'il y a deux points là-dessus. Comme on s'entend que, bon, à la base, Flynn ne remplace pas nécessairement Pacioretty, on s'entend, là? Ben, il prend sa place sur le... Ouais, il prend pas sa place sur le trio, c'est plus ça que je voulais dire, là. C'est sûr que peut-être pas nécessairement il a pas été chercher le gros top 6 comme tout le monde veut puis que comme lui a dit il en avait pas sur le marché. Tu sais, je pense pas que cette année Bergevin visait la coupe. Fait que tu sais qu'on se rende là que Carey Price torche des culs. Tu sais, là, le Pacioretty, justement, il est parti. Les séries, on sait pas trop où c'est que ça va s'en aller. Mais je pense que le gars, il voyait peut-être plus un plan cet été. Tu sais, si, mettons là, que tu t'en vas super loin ou peu importe, puis que tu. Mettons que tu te rends jusqu'à la finale de Coupe Stanley, là, sans avoir fait les gros changements pour gagner la Coupe, mettons, là, c'est quand même une victoire. On s'entend? Oui, oui, oui. Même si t'as pas gagné la Coupe. Imagine si, là, cet été, comme l'année passée, exemple, il y en a des agents libres cet été qui sont libres. Ça peut être un argument pour Bergevin. Regarde, il nous manque 2-3 joueurs, puis je pense que tu fais partie de la solution. Viens-t'en avec nous autres. Là, on va peut-être être capable d'aller chercher le top 6. Si tu peux dire à n'importe quel joueur, check, nous autres, à Montréal, ça se peut que tu sois sur le premier trio, tu sais. Ouais. Même si tu t'appelles Brian Flynn. Ouais, effectivement. Mais non, mais tu sais, je veux dire... Je pense que le gars pensait pas aller aussi loin en série. C'est pour ça qu'il s'est pas. Il a pas sacrifié. T'sais, en même temps, est-ce qu'on aurait chiolé si, exemple, il aurait été recherché un joueur puis qu'on aurait donné comme beaucoup trop pour. Puis là, tu vois, mais là, on voulait pas. Puis les fans à Montréal. Je pense que il a pas rien sacrifié. pour aller chercher de la profondeur, point. Il n'a pas été chercher quelque chose qui va nous amener plus loin, effectivement. C'est parce que c'est pas avec Flynn Mitchell qu'on va aller plus loin. Par exemple, Petrie, ça donne de quoi pour l'année prochaine, il faut juste le signer. Mais je pense qu'on va revenir là-dessus tantôt. j'ai un petit feeling. Mais en tout cas, sinon, je pense pas qu'il a mal fait sa job, considérant qu'il visait pas nécessairement la coupe. Puis il y avait, honnêtement, il y avait rien sur le marché pour t'amener à la coupe cette année. J'ai pas raison. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord aussi, là, mais. C'est parce que, tu sais, des gars de quatrième trio, enough is enough. Là, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça aurait été quoi d'avoir été chercher un gars qui avait un minimum de potentiel offensif? Là? Mais je vais faire le pont un peu entre vos deux arguments de mon côté. Je suis d'accord avec Jerry au départ quand tu disais ben il y en avait juste pas des joueurs sur le marché. T'imagines-tu si on avait été chercher Eric Cole pour un premier choix? Non. Ou si on avait été chercher, je sais pas, un joueur de deuxième ligne, parce qu'on n'aurait jamais eu un joueur de première ligne. C'est genre Jagger. Que Jerry regarde, c'est ça, Jagger. Jagger, j'aurais été le chercher. Non, pas. Et puis, garde, j'ai rien contre Jagger, je suis un de ses fans, là, mais à son âge, à moins de donner un choix de quatrième ou de cinquième ronde, je l'aurais été le chercher. Mais je pense qu'il a coûté un choix de deuxième ronde. Pour un joueur, à moins je me trompe, là, mais pour un joueur de 43 ans, je trouve ça pas mal. Puis, en tout cas, moi, de mon côté, vu qu'il n'y avait personne sur le marché, je suis content qu'on n'ait pas donné un Kolberg, mettons, pas un Kolberg, on l'a même plus. Un Sherback, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Un Sherback, c'est lui que j'avais dans la tête. Je suis content qu'on n'ait pas donné un Sherback, exemple, pour avoir un joueur de location de deuxième ou même de premier trio, parce que justement, on l'aurait probablement regretté. On n'aurait pas gagné la Coupe de toute façon. En tout cas, selon moi. Là. Fait que, moi, par contre, avec ce que tu disais, JB, moi, je trouve qu'on a comme trop été chercher de joueurs de quatrième ligne. T'sais, Mitchell n'était pas nécessaire. C'est ça, c'est mon point, c'est ça. Flynn, à la limite, il a coûté un choix de cinquième ronde, genre. Fait que garde, on s'en fout, c'est correct. Petrie, je suis content qu'on ait été le chercher parce que justement, il ne nous sert pas à peu près. On va en parler plus tard. Mais je trouve que. Arrêtez de dire qu'on va en parler plus tard. Je comprends pas, là. Ok, excuse. On en parlera pas de bord. Ok. On va parler de Demelin, notre défenseur favori. Mais non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je suis un peu d'accord avec vous deux. Sauf que j'aurais pas été. Tu sais, je pense que Bergevin, il a peut-être essayé, mais il a dit je donnerai pas trop pour aller chercher un joueur de location ou un joueur qui va pas tant nous aider que ça. Et le marché était juste pas là. Puis c'est tout, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme tu dis, Jerry, on va sûrement essayer peut-être d'aller chercher un agent libre cet été ou peut-être une transaction quelconque au repêchage. T'sais, pour vrai, mais au moins, ça va être pour le futur. À place de mettre Flynn, là, à la place de Pacioretty, veux-tu bien aller chercher genre Hudon? Veux-tu bien aller chercher André Grosso, des gars à vocation offensive au moins? Ouais, ça, je suis d'accord. Parce que là, on met Flynn, pourquoi? Parce qu'on est pogné pour le payer NHL anyway. C'est surtout dans ce sens-là là, que je disais ça, c'est qu'on a été chercher plein de monde de niveau NHL, mais à des vocations de 3e, 4e trio. Puis là, t'as un manque en attaque de gars offensifs, puis tes joueurs qui pourraient t'aider sont dans la Ligue américaine, mais comme t'es coincé en termes de nombre de contrats, tu peux pas y ramener, tu sais. Oh, mais en même temps, j'ai pas tout écouté à la game hier, là. Je l'ai comme un peu écouté à la radio quand je me promenais en char. Mais Flynn formait un trio avec Mitchell puis Prost. Hier? Ben, oui. En fait, comme Michel Therrien fait tout le temps, là, tu sais. Ouais. Il a décollé le match avec ça comme trio, puis après ça, ben, il a changé, là, tu sais, c'est comme. Ok, parce que j'ai entendu dire, moi, à date, le trio, il jouait bien, là, c'est un bon petit trio de quatrième. Oui, pis... oui, mais tu sais, t'es pas censé mettre Flynn à l'entraînement à la place de Pacioretty, tu sais. C'est même pas censé être une option envisageable. Ouais, c'est sûr, mais avec les cartes que Michel Therrien a entre les mains, que son DG lui a donné, il est pogné pour le faire, tu sais. Ouais, mais il a quand même mis Galchenyuk au moins pendant la game, puis il l'a pas tout le temps changé, il l'a gardé là, puis... Ouais, ben la ligne a été pas mal, justement. Flynn a joué vraiment sa quatrième ligne. Je pense que c'était peut-être juste une question de phrasing en bon français lorsqu'ils ont fait l'article en question. Là. Ça mais à la base, Galchenyuk a vraiment joué avec Plekanec à place de Pacioretty. Ah, c'est ça, c'est un clickbait en maudit, ça. Oh, ouais, c'est ça. T'sais, puis, tu sais, je pense qu'ils ont mis Smith-Pelly, sa deuxième. Là. Ils ont comme monté tous les trios. Ils ont comme monté tous les left-wings. Ils ont tous monté d'une coche. Fait que je pense que c'est ça que ça a donné. Ouais, ce qui est correct, là, c'est ce que tu es censé faire dans ce. Exact. Si ton équipe est bien montée, tu es censé faire ça. C'est ça. Ouais. Autre sujet? Qui veut y aller, Jerry, mettons? Ouais, ben dans le fond, moi, je veux... hier, il y a eu un match quand même assez important du côté de l'Ouest. On avait Calgary contre les Kings. Ouais. Mm-hmm. Je me rends compte que je réunis deux sujets en même temps. C'est merveilleux. Wow! donc, les Kings... Je vois tout ton étonnement, JB. Je suis tellement comédien. Les Kings, les champions de l'année passée, dans le fond, ne sont pas en série. Ce ouais. qui prouve beaucoup la parité dans la Ligue nationale aujourd'hui. Et, dans le fond, je vais vous poser une question. Je vais vous donner ma réponse, que bon, c'est assez évident. Votre équipe Cendrillon, vous, cette année, c'est laquelle? Bon, je parle des Kings puis Calgary. On devine assez facilement ma réponse. Calgary, bien évidemment, si vous n'avez pas compris. Je trouve que c'est une équipe, surtout avec la blessure de Giordano, qui ont vraiment élevé leur jeu d'un cran pour rentrer dans les séries. Ça fait un méchant bout qu'ils n'ont pas été. Bravo Bob Hartley qui a géré son équipe. Beaucoup de jeunes qui poussent étonnamment très bien. Oui, étonnamment. Je trouve que le mot est très très bien choisi. Ouais, non, c'est pour vrai, Gaudreau, je veux dire, même s'il est bien fort, là, tabarouette, on dirait déjà qu'il prend une partie de l'équipe sur ses épaules. Écoute, Monahan a 31 buts il y a 20 ans. Ah, c'est immense. Hein. Patcherity, ça lui a pris combien d'années pour arriver à passer la barre des 30 buts? À 20 ans, il était dans la Ligue américaine, là. Ouais, puis il dominait pas tant que ça la Ligue américaine au départ non plus. Exact, il était vraiment plus lent, même s'il est devenu un très bon joueur, il a quand même été plus lent. Fait que c'est vraiment exceptionnel justement ce que Monahan fait. Je le sais, je l'ai dans mon pool, puis je trippe encore à chaque jour quand je regarde mes stats. Moi, je suis dans une ligue de hockey simulée, puis j'ai Monahan et Nichushkin et Jones du même repêchage, puis je suis pas mal satisfait. Ça va bien, ça va bien. On paye pas en tout. Ah, quand tu sais dépister comme du monde, c'est ça que ça donne? Tout ça pour dire que, on parle beaucoup de Gaudreau parce qu'il est recru, mais en tant que tel, il est plus vieux que Monahan. Puis oui, il y a plus de points, là, mais en termes de buteur, je pense qu'il y a comme 8 buts gagnants, là, Monahan, là, cette saison. Là. C'est complètement fou là, pour un joueur de 20 ans. Là. Fait que l'avenir est très prometteur à Calgary. C'est, okay. Puis je suis d'accord avec toi, Jerry. Calgary là, pour retourner au club Cendrillon, il faisait partie de mes choix, mais moi, mon choix, je te dirais vite de même, ce serait les Islanders de New York. Ça s'essouffle, ça, par exemple. Ouais, ça s'essouffle. Ça s'essouffle, mais ils sont encore en série. Ils vont faire les séries, ils sont comme sûrs à ma connaissance. Là. C'est qui le gardien de but là, qui a tendance à s'essouffler là, à force de trop jouer là, avec les Islanders? Me semble que son nom, c'est... C'est Garcino? Il goal-tu encore Garcino? Je ne me rappelle plus. C'est notre favori, monsieur Halak. Y a-t-il encore des débats, Halak Price? Je suis comme sûr. En tout cas, je pense que non. Je pense pas mal fini les débats. Maintenant, c'est Heller Halak, le débat. Oui, c'est ça. moi, mon équipe de Cendrillon, c'est une équipe que j'aime énormément. J'aime la façon qu'ils l'ont bâtie. Ils ont extrêmement bien repêché et ils ont été chercher en complément des joueurs d'utilité et des joueurs qui ont changé le visage de la formation. Moi, c'est le Wild du Minnesota. Dominique suit la rondelle des yeux à Star. Écoute, il vient d'allumer, là. Genre, regarder la rondelle, ça a l'air que ça l'aide à arrêter la rondelle. Ça, je trouve ça merveilleux, là, de la part de Dominique. Sarcasme. Dans le fond, Edmonton, la façon qu'il montrait à gauler, c'est ferme tes yeux quand la rondelle arrive, genre. Ouais, c'est ça. Ça va faire. C'est pour ça que ça balles. Marche pas toutes les années. On a un qui leur dit on veut le premier choix, fait que ferme tes yeux. C'est comme dans les Mighty Ducks, là. Tu sais, quand Goldberg, dans le premier, il a peur de la rondelle, fait qu'il te l'attache après le but, puis il snap après, puis il se rend compte que ça fait pas mal. Ben, c'est ça. C'était c'est ça avec Dominique. Tout ça pour dire que moi, j'adore cette équipe-là. Ça allait nulle part cette saison jusqu'à ce que Dominique arrive. Et là, ils ont comme repris confiance. Un peu à la manière des Sénateurs d'Ottawa, mais j'aime surtout la construction. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est un goaleux qui change la patente et c'est des joueurs, des plombiers qui tout d'un coup se trouvent des talents de marqueur puis de sauveurs inespérés. La formation du Wild, c'est des jeunes de talent qui finalement éclos comme on pensait qu'ils étaient pour le faire. C'est juste que ça retardait, puis là, on dirait qu'il y a un déclic qui s'est fait en tant qu'équipe, puis là, ça fonctionne. Et moi, là, si j'étais dans l'Ouest, j'étais une équipe, exemple, les Blackhawks ou encore les équipes qui risquent... Ouais, c'est ça. Les Blackhawks ou encore Nashville, là, qui ont des chances d'affronter Minnesota en série, ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas, parce que dernièrement, là, la formation du Wild est en feu. Dominique avait décollé, genre, les 39 derniers matchs. hier, il n'y a pas, goalé, là. C'est le numéro 2 que. Ben, numéro 2. C'était-tu numéro 1 avant, je sais plus, qui commençait le match. Mais ça faisait genre 38 ou 39 matchs de suite que le gars, il gardait, là. C'est complètement malade, là. Fait que. Quand même, c'est fou. Il y a des sales stats, là, pareil. Là. Oh, si t'en regardes, là. Il est pas loin de Price. C'est juste qu'il y a moins il y a moins de matchs. Depuis qu'il est au Wild, ses stats sont meilleurs que Price. Il y a genre 27 victoires, 8 défaites, c'est genre 0.938 puis 1.73 là, depuis qu'il est avec le Wild. Ça, c'est 38 games. Mm-hmm. Sinon, avec les 19 games qu'il y avait avec l'Arizona, c'était genre 916 puis 2.72, 9 victoires, 5 défaites. Là. Mais le, hey, l'Arizona, doivent-tu se mordre les doigts, pas rien qu'à peu près. Ils ont eu quoi pour, genre un choix de 5e ronde, de quoi dans le genre là? Honnêtement, je me rappelle pas qu'est-ce qu'ils ont reçu, mais ça n'avait pas grand-chose, il n'y avait pas de valeur. Non, c'est ça. C'est puis, écoute, il est passé par l'organisation du Canadien de Montréal, puis on l'a pas plus vu. Là. C'est ça le problème avec les gardiens de but. Puis il y a bien des équipes qui disent un gardien de but, tu repêches pas ça en première ronde parce qu'il y en a plus. Il y en a tout le temps un qui va popper quelque part, puis on le voit là, cette année. Là. T'as Dominic et t'as Hammond qui le font. Là. Il y en a tout le temps, à tous les années, t'en as deux, trois qui tout d'un coup, performance incroyable. Puis en même temps, t'as des gardiens qui ont été repêchés, qui ont été développés, puis qui ont floppé. Je fais juste penser hier, les Red Wings, là, le gardien de but. Là, Jimmy Howard. Howard, là. Il ressemblait plus au canard, Howard the Duck, qu'à un gardien de but hier. Là. Les goalers à Détroit, ils ont de la misère ces temps-ci. Mrazek non plus, il goal pas. Super bien de ce temps-ci. Là. Tu vois que c'est l'air après l'Edstrom. Oui, ça. De plus en plus. Là. En effet. Ça s'effrite un peu, puis ben écoute, c'est aussi logique. Je pense, et je reviens à notre sujet qu'on a abordé tantôt, moi je pense que l'an prochain, la formation des Red Wings devrait vendre pour mieux repartir rapidement avec le repêchage et se rebâtir une formation gagnante. Ouais, ben Détroit sont une équipe un peu en transition, mais ils ont quand même des bons jeunes. Parce que tu regardes, ils sont pas comme plein de vieux, mettons, tu sais, ils ont Datsuk, ils ont Zetterberg qui sont quand même relativement vieux. Moi, je les échange. Cronwall, puis tout. Moi, je le considérais aussi, par contre, si j'étais toi. Mais eux autres, le bon côté, c'est qu'il leur reste du talent. Nyquist, Tatar, ils ont des bonnes saisons. Ils ont des bons joueurs d'attaque. Oui, ils ont des bons jeunes, mais c'est le temps, là. Tu sais, pendant que t'es vétéran. Qui traînaient l'équipe ont encore une valeur. Go, là. Datsuk, Zetterberg, Frenzen, Helm, tu sors tout ça. Mm-hmm. Ça fait de la place pour tes jeunes. En défense, Cronwall, tu me sors ça. Eriksson aussi, il y a 30 ans. Tu sors ça, là. Quincy aussi. T'es vraiment dû pour te bâtir une défensive, là, chez la formation des Red Wings. Fait go, tu sais, moi je change tout ce monde-là, puis je vais chercher des plus jeunes, puis de la défense. Faut vite monter une défensive, parce que tes attaquants rise, mais tes défenseurs vieillissent, puis s'affaiblissent. Ça fait vraiment pas un bon mix pour aller gagner à Coupe Stanley. Là. Ouais, sauf que je pense pas qu'ils fassent ça, là, man. Je pense qu'ils sont trop de gens à garder leurs joueurs. C'est très loyal, c'est comme une famille, là, t'insères du stock, mais c'est moi, Datsuk et Zetterberg vont finir là, c'est juste trop évident. Howard, par exemple, peut-être parce que tu sais, t'as Mrazek qui peut comme pousser un peu là. Et ils ont 9 joueurs qui terminent leur contrat cette année. Ah ben ouais, j'avoue que là, par exemple, tu peux peut-être faire un bon ménage si tu re-signes pas, mais tu signes pas, tu perds. 3 agents libres là, mais tu sais, des RFA, fait que t'as bien du monde qui vont avoir des hausses de salaire. Ça va coûter cher. Ouais, il faut libérer de la place, je suis convaincu là. C'est pour ça que j'ai hâte à l'été. Oh, tu j'aime cette section-là, moi. Ouais, moi aussi. Aussi, le 1er juillet, là, c'est comme mon Noël. Ouais. Ah, moi, je pense à la journée que je suis plus connecté sur Twitter. C'est exact. Clair. Hey, peux-tu faire un petit segue? Vas-y. Parce que j'avais dans mes sujets, j'avais d'ailleurs mon team surprise. Puis j'ai fait d'autres petits quiz comme ça, comme mon team décevant. Mon joueur surprise puis mon joueur décevant. Fait que voulez-vous qu'on on embarque là-dedans pour le fun? Okay. Fait que moi, je vais faire un segue direct avec mon team décevant parce qu'il y a un lien avec toi. Qu'est-ce que t'as dit, JB? Mon team décevant, le gagnant, c'est San Jose. Un club qui était l'année passée dans le top. Ils se battaient pour être les premiers dans leur division. Puis cette année, ils font pas les séries. Puis il y a eu beaucoup de descentes là, de joueurs. Marleau était pourri cette année. Thornton, il vieillit, mais il a quand même continué à performer quand même potable. Là. Malgré ce que Doug Wilson a dit, Doug Wilson, là, tant qu'à moi, là, il devrait se faire mettre dehors cette année parce qu'il a dit des affaires vraiment tout croche, puis il a géré l'équipe de façon tout croche récemment. Là. On jase, là. T'es Doug Wilson, tu dis « Je veux me départir de mon meilleur joueur. Mm-hmm. » Qu'est-ce que ça fait? Ça baisse sa valeur. Tout le monde te dit « Ben écoute, tu veux t'en débarrasser, je vais te donner une poche de patate à la place. Là, au lieu de t'offrir un joueur de bon niveau. » Épais, fais pas ça. Voyons. C'est la façon de le dire aussi. Là. Tu sais, tu dis pas « Ah, je vais échanger Thornton parce que je sais pas, tu peux dire « Ben regarde, on n'est plus rendu là, notre window pour gagner la coupe n'est plus là, fait qu'on veut changer ton turn parce qu'il vieillit, mais t'es hyper fort. » T'as une façon de dire les choses. On veut lui offrir une chance de gagner la coupe cette année avec une autre équipe. Là, exact, l'autre exactement. Équipe fait comme, c'est vrai, il nous donnerait une chance pour la coupe cette année. Là, tu viens de lui dire, bon, ben écoute, eux autres, ils pensent pas pouvoir gagner la coupe avec, nous autres non plus. Là. C'est ça. Faut que tu vendes le rêve que ton turn peut t'amener plus loin. Ben oui. Exactement. Ce qui est vraiment un rêve, là. ce qui est un rêve, mais ça reste que c'est quand même un joueur en saison régulière qui a performé toute sa carrière. Puis je trouve que la façon que ça a été géré par Doug Wilson, c'est vraiment pourri. Puis en plus, sans faire des gros changements, je dis Boyle est parti, mais tu sais, Dan Boyle, c'est pas liable. Tous les jeunes n'ont pas augmenté leur niveau. Tu regardes, mettons, Hertel l'année passée, il y a eu comme un match de 7 points, puis après ça, il n'y a rien foutu. Puis cette année, il n'y a rien foutu non plus. Wingles, Nieto, tous les joueurs qui sont censés augmenter de niveau un peu, puis ils n'ont rien fait. Puis, Niemi, je pense qu'il est retombé sur terre. Niemi, à un moment donné, il était vraiment écœurant. C'était un des meilleurs goalers de la ligue. Cette année, il était comme correct. Là. C'était un bon goaler, mais il n'était pas super bon. Fait qu'on voit c'est quoi le résultat, puis ça m'a vraiment déçu. Puis mon lien avec ce que tu disais, mon cher JB, c'est que moi, mon team qui a failli me décevoir, c'est Minnesota. Parce que ce club-là, je le voyais vraiment haut en début d'année. Avec Vanek, avec tous les bons vétérans, plus les bons jeunes qui arrivaient. Ce club-là, il est monté. C'est un rêve là, comment ce club-là est bien monté. Puis en plus, Vanek, il y a un contrat moins gros parce qu'il s'est pogné le bang avec le Canadien en série. Fait qu'il y a un contrat moins gros. Fait que l'échelle salariale, tout est bien géré avec cette équipe-là. Mais oui, en début de saison, il ne livrait pas. Puis moi aussi, ça me décevait. Il ne livrait pas. Puis moi, dans ma tête, il allait finir dans le top. Tu sais, dans top 3 de la division. Là. Fait que moi, j'étais comme vraiment déçu. Heureusement qu'ils sont allés chercher Dominique puis qu'il a commencé à bien gauler parce que Backstrom, ça ne marchait pas. Ça ne marche plus depuis quelques années, Backstrom. Là. Harding, ça ne marchait plus. Il est retombé de sa bulle un peu, là. Puis, je pense qu'il avait essayé comme Matt Hackett puis d'autres goalers de même, puis ça marchait juste pas. Puis, Dubnyk est venu sauver l'équipe carrément parce que la plupart des joueurs sous-performent ou sont comme juste corrects, sont comme juste corrects selon leur niveau. Il n'y a, écoute, pas de saison super méga surprenante dans cette équipe-là présentement. On fait juste regarder la défensive. Moi, la défensive me fait capoter, là. Suter, Spurgeon, Brodin, Dumba, Scandella. T'as un top 5 élite, là. C'est même un top 3, là. C'est un top 5 élite. Là. Surtout, justement, tu as nommé Dumba puis Brodin. Le futur, là, ces deux défenseurs-là, c'est un futur écœurant. Ils ont des bons jeunes aussi à l'attaque qui commencent à performer récemment, comme Granlund puis Niederreiter. Puis tu as d'autres bons jeunes qui sont censés devenir bons éventuellement, mais que je m'attendais à ce qu'ils soient bons plus tôt. Niederreiter, là, je vous rappelle qu'il a été échangé contre un gars de quatrième trio. Hein. Oui. Les Islanders, là, contre ça marchait pas là-bas non plus. Il essayait. Vend le rêve. Puis essaye d'avoir du rêve un petit peu en retour. Là. Parce que là, Niederreiter, il a 25 buts, je pense. Fait que à peu près, là. Fait que tu te dis ce gars-là, au moins, il donne pas mal plus que l'autre joueur qui sont allés chercher. Puck, si je me rappelle bien. Là. C'est exact, un contre rien, là, ouais. Exact. Cal. C'était pas mal ça, moi, mes équipes décevantes. Et vous, c'est quoi vos équipes décevantes? Moi, je vais popper Philadelphie. Parce que j'aime cette équipe-là. Ils ont une offensive intéressante. Mais encore une fois, c'était mal bâti. Tu décolles par la défensive. Puis après ça, l'attaque. Ils n'ont pas de défensive. Exact. C'est affreux. Puis tu sais, ils ont même échangé. Ils sont allés chercher Luke Chen, ou en tout cas un des deux Chen, le défenseur. Puis ils l'ont échangé à Toronto contre James Van Riemsdyk. T'sais, au moins, quand tu échanges l'attaque pour une défense, essaye d'avoir un bon calibre, bâtard. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, Van Riemsdyk, c'est un des seuls joueurs dominants de Toronto. Puis Luke Shen, il se fait blaster dans les médias à Philadelphie parce qu'il suit pas le jeu. Il a 25 ans, puis il suit pas le jeu. Là. Puis écoute, la défensive McDonald's, toutes ces affaires-là, c'est vraiment atroce. Et pourtant, l'attaque, écoute, ils ont Voracek qui est dans le top 5 des pointeurs de la Ligue. T'as Claude Giroux, bien sûr. T'as Simmons, t'as Reed, t'as Raffle qui va s'en venir intéressant comme joueur d'attaque. T'as Couturier. T'en as, man! T'as des joueurs intéressants là, en attaque, mais en défensive, c'est n'importe quoi. Là. C'est n'importe quoi. C'est un goaler pour une fois. Oui! Parce que Mason goal bien cette année. Exactement! Fait que, comme tu dis, c'est vraiment en défensive, je pense. C'est décevant. Puis ce que ça fait, la défensive, c'est que tu nuis en plus à ton attaque parce qu'ils sont pas capables d'effectuer une bonne relance. J'ai écouté plusieurs matchs. Moi, ma blonde vient du même village que Claude Giroux. Elle est à l'école avec. C'est pas... Puis le but, c'est pas de dire, hein, son ami. Non, pas du tout. Là. C'est juste que, tu sais, question de fierté. Tu sais, c'est cool là, d'avoir un des meilleurs joueurs de la ligue qui vient de la même place que toi. Fait qu'on regarde un petit peu ses matchs. Puis écoute, tu le vois là, régulièrement là, que l'équipe se met à être embourbée dans sa zone parce que les défenseurs sont pas capables d'effectuer une bonne première passe pour relancer le jeu. C'est récurrent. C'est un problème qui. C'est tout le temps ça. Puis le défenseur, en plus, là, Andrew McDonald, là, il est payé 5 millions par année. Puis il a un contrat au moins jusqu'en 2018-2019. Max Streit, c'est le plus mobile de la gang, mais il est plus capable. Là, il peut pas leader une défensive. Il peut pas être un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale. Là. C'est mal construit comme club. C'est mal fait. Ça va leur prendre des défenseurs. Puis là, ben, ils ont Morin qui s'en vient. Mais oui, c'est un hyper gros compte. Là. C'est Paul Mara puis tout ce monde-là qu'on avait à Montréal. Là, les défenseurs format géant, mais qui n'avancent pas. C'est pas lui qui va te faire une bonne première passe, qui va te relancer l'attaque. Leur meilleur prospect en défensive, c'est même pas ce qu'ils ont vraiment besoin. T'sais. Ouais, c'est ça. Toi, Jerry? Moi, ma plus grande déception en tant qu'équipe, c'est Dallas. Parce que en début d'année... Ben, je veux le dire tout de suite, là. Je perds mon pool à cause de ça. non, mais je les voyais vraiment plus haut que ça. Le pire, c'est qu'ils ont quand même des. Tu sais, ils ont des joueurs qui ont quand même des Christy de bonnes stats. Là. Si tu regardes Jamie Benn, Tyler Seguin, ils sont dans le top de la ligue. Ouais. Mais on dirait qu'il n'y a rien. C'est sûr qu'il y a eu des blessés et tout. Là, comme ton, toute la saison, il a joué 4 matchs. Là. Ça aide pas. Là. Ah non, ce gars-là, il était censé aller te chercher. Presque une cinquantaine de points cette année. T'es pas là, ces points-là. Là. C'est ça. Ça doit paraître en maudit. Ils ont Travis Moen, juste là. T'sais. Ouais, hey. Hey, quand même. Non, mais Carrie Lehtonen, qui est. Moi, je le trouve quand même moyen. Il y a quand même beaucoup de victoires. Quand même 34 victoires. Il a tellement joué qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas empocher un certain lot de victoires. C'est ça. Mais ses stats sont quand même moyennes. Mais je sais pas. Pour vrai, moi, je les voyais vraiment très haut. C'est sûr que bon, il y a des joueurs qui se soufflent, Charnokov, Emski, Moen ne se souffle pas. Il est au top. C'est ça, il continue. Non, mais, le moteur était étouffé depuis le début, fait que ça peut pas aller moins vite. Là. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment regardé les matchs des autres, là, mais je m'attendais vraiment à les voir plus haut que ça. Surtout considérant que tu as des joueurs qui ont plus qu'un point par match. Spedza joue quand même encore bien. C'est gain, là. C'est 77 points en 71 matchs. Ben, c'est 83 points en 81 matchs. Là. Ils ont des bons joueurs, le pire. C'est ça qui. Je comprends pas pourquoi ils sont si bas. Ils sont au milieu de peloton, mettons, dans toute. Regarde la défense. C'est encore ouais, sûr. C'est sûr. Mais eux autres, il va falloir qu'ils. Tu sais, mettons, on parle de Jimmy Howard là, à Détroit. Là. Peut-être que je me tenterais moins, eux autres. Peut-être que ça donnerait un autre souffle. Ouais. Mais Lehtonen a un contrat à 6 millions sur le plafond salarial jusqu'en 2017-2018. Oublie ça. Lehtonen versus Howard. Ouais, tu pourrais faire ça, mais tu sais, Lehtonen versus Howard, tant qu'à moi, c'est-tu pareil au même? Lehtonen, c'est un bon goaler. Howard, c'est un bon goaler. Je vais faire une comparaison, si ça vous dérange pas, moi, avec Anaheim. Des débuts des années 2000. Anaheim, tu avais un club sur papier qui était basé sur Carrilla puis sur Salané. That's it. Tu avais aussi un bon défenseur souvent, là, soit Tverdovsky ou Lawson, je pense, dans le temps. Là. Fait que tu avais des défenseurs qui étaient mobiles, tu avais deux bons attaquants puis le reste était de la chenoute. Puis tu regardes Dallas aujourd'hui, c'est un peu ça. Ils ont échangé le jeune, t'sais, ils ont changé Chiasson, qui aujourd'hui fait pas grand-chose, là, mais pour avoir Spezza, tu regardes ce move-là, c'est un bon move, je pense, pour Dallas à court terme. Fait que là, ils ont deux bons joueurs, peut-être trois, si tu considères justement Spezza dans l'échiquier, mais ils n'ont pas vraiment de profondeur. T'sais, Cody Eakin, je sais même pas c'est qui, t'sais, c'est un joueur qui va te donner 30-35 points, mais il joue sa deuxième ligne présentement. T'as Nikushkin qui écoute, c'est un méchant point d'interrogation parce qu'il était solide l'année passée, mais cette année, il a pas joué de l'année, puis on sait pas trop si c'est-tu un problème qui va être récurrent. Je pense que c'est un hernie qu'il avait. Ouais, mais c'est parce qu'il a été opéré. Moi, ce que je considère comme étant positif, là, c'est que tant qu'à laisser traîner puis que ça guérisse par-dessus, tu sais, guérit par-dessus des cicatrices, puis bon, écoute, ça sacrifie une saison complète. C'est ça. Mais vas-y, là, tu sais, il savait la formation des Stars que c'était pas la coupe là, cette année, là, fait que tu sais, profite-en, reviens vraiment en forme, puis c'est ce que l'entraîneur a dit. Tu sais. Je pense que c'est mois de septembre ou octobre, il a dit aux journalistes là, Nishushkin, vous me demanderez pas toute la saison quand est-ce qu'il revient. On vous le dit tout de suite, là, il reviendra pas. Puis on n'est pas pressé, puis on va prendre notre temps. Ils ont un bijou, là. Ce gars-là peut éventuellement aller chercher peut-être meilleur pointeur de la ligue. Là. C'est ce genre de talent-là. S'il se rétablit, oui. Tu sais. Fait que moi je trouve qu'ils ont bien géré le dossier. Là. Ah ben ça c'est sans aucun doute, parce que de toute façon t'avais pas le choix dans ces circonstances-là. Mais l'équipe de cette année, je veux juste faire la comparaison, justement, c'est une équipe pas de profondeur. Fait que c'est sûr que ça a pas donné grand-chose. Ça a donné quand même une saison correcte de Dallas. Comme tu disais, Jerry, t'es quand même milieu du pack, là, fait que c'est quand même bien. Mais je m'attendais pas nécessairement à des gros résultats de cette équipe-là, justement, par le manque de profondeur qui ont été vraiment amplifiés par Nikushkin qui manque toute la saison. Là. Sinon, autre sujet, à moins que t'avais-tu fini? Ben moi, j'avais d'autres sujets par rapport justement à mes déceptions, okay, ouais, mes affaires de même, mais on peut continuer sur tes sujets si tu veux, puis... Je ferai un lien avec justement Nishushkin et sa blessure. Je disais que Dallas avait bien géré le dossier. Il se fait opérer. Il reviendra pas, arrêtez de me coeurer avec ça, on vous le dit tout de suite, c'est fait, on est transparent. Sauf que la masse de médias à Dallas, on s'entend, là, sont peut-être deux gars sur le beat, là, qui suivent l'équipe, là, c'est assez facile. Hey, chummy, tu m'écoeureras plus, je te donne ça comme info, merci, bonsoir. Tu sais, plus, regarde, ils font un quart de page par jour, probablement dans le journal, puis dans le titre, là, tu sais. À Montréal, c'est pas le même deal, tu sais, c'est un petit peu plus intense. Et il y a Mathias Brunet qui a sorti un article sur son blog cette semaine en parlant de Max Pacioretty. La formation du Canadien a dit qu'il était blessé au corps. Au corps. Ce qu'il mentionnait, c'est que le Canadien donnait peut-être pas assez d'informations. Il y a même Régent Tremblay qui disait que le Canadien, c'est une tyrannie, là. Si tu parles contre le Canadien, les journalistes se font mettre dehors. Fait qu'il n'y a plus de journalistes qui ont des couilles. Puis surtout, exemple, tous ceux qui voyagent avec l'équipe, là, les journalistes normaux qui suivent le beat sont dans d'autres avions, sauf que ceux qui sont à la description, exemple, Martin McGuire, Danny Dubé, qui sont à la description des matchs, Paul Wood... Pierre Houd et Marc Denis sont avec les joueurs dans l'avion, puis tu n'entends jamais un scoop sortir d'eux autres. Pourtant, tu sais, Max Pacioretty est dans le même avion que les gars, là, que ces personnes-là, puis il n'y a personne qui est capable de le dire. Il y a une loi du silence entourant le Canadien de Montréal. Et moi, ce que je veux savoir pour vous autres, est-ce que le Canadien devrait slacker le cordon un petit peu sur le contrôle médiatique? Est-ce qu'on dessert bien la population en ce sens-là? Tu peux y aller, JS. Ah, OK. Moi, dans cette circonstance-là particulière, je suis d'accord avec la décision du Canadien. Parce que ça. Tu sais, pour Pacioretty, là. Parce que tu sais, c'est une question de blessure, c'est une question de sa sécurité pour les séries et tout. Fait que là-dessus, je suis bien d'accord. Est-ce que je me sens pas à l'aise nécessairement, par contre, de commencer à discuter tous les gros secrets? Je ne connais pas exactement si le Canadien est vraiment si intense que ça. C'est-tu une dictature? C'est-tu vraiment la loi du silence et tout? Je suis pas nécessairement bien placé pour en juger. Mais moi, personnellement, je changerais pas grand-chose de la façon que c'est géré présentement. Même que j'aime mieux justement qu'il n'y ait pas... Tu sais, depuis que Bergevin est là, des rumeurs, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a de l'action, il y a des choses qui se passent. Avant, il y avait tout le temps plein de rumeurs. Tu sais, Gauthier va aller chercher lui, puis ci, puis ça, puis ça se passait jamais. Les fameux gants de Ossa et compagnie. Tu sais, ça commence à me tomber plus ses nerfs que justement me dire, ben garde, Bergevin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mettons que des échanges, des négociations quelconques, on ne le sait pas. Puis quand ça va arriver, ben ça arrivera. Fait que je suis peut-être, j'ai les yeux peut-être un peu fermés, là, mais moi, c'est mon opinion sur ce sujet-là. Parce que, entre autres, ce que Réjean Tremblay disait, c'est comment ça se fait que Marc Bergevin refuse d'aller donner des longues entrevues à du monde intéressé par le hockey pour vrai, là. Exemple, Radio 9 à Montréal, qui est avec Jean-Charles Lajoie, ou encore le Journal de Montréal, mais en même temps, va aller passer une heure avec Penelope McQuaid puis Éric Salvaille sur des shows de télé généralistes qui se préoccupent pas tant que ça du hockey, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais c'est peut-être juste si c'est vraiment une question de censure, je peux pas dire que c'est bien là. T'sais, honnêtement, si c'est vraiment une question de excusez-moi. Ça valait un repos. Si c'est vraiment une question genre de censure puis de on veut plus leur parler parce qu'à un moment donné, ils ont sorti une nouvelle qui nous a frustrés ou quelque chose comme ça. C'est pas correct autant que le gros débat qu'on commencera pas aujourd'hui sur le Gamergate. C'est quelque chose qui n'était pas correct non plus à la base, là, tout ça. Là. Fait que, on peut comparer quand même les deux affaires. Là. Puis, fait que, t'sais, si c'est vraiment... Si, moi, je m'y connais pas, mais si c'est vraiment la loi du silence, puis que c'est vraiment barré parce qu'ils ont dit des choses qui sont pas correctes, ben regarde, c'est pas une bonne façon de vivre les choses. Là. Fait que je pourrais donner un point à Réjean Tremblay là-dessus. Mais honnêtement, je m'y connais tellement pas dans ce domaine-là que je veux pas, m'embarquer. Là. Jerry? Ben moi, en fait, ce que j'aimerais voir, c'est Réjean Tremblay, lui. Il l'aurait sorti, cette nouvelle-là. Oui, parce qu'il s'est fait sortir de l'avion dans le temps. Puis il lançait compte, c'est un peu ça, c'est son défouloir. Il sort des informations de cette façon-là de détourner. Exact. Parce que le processus d'écriture, on s'entend, là, le gars, il est pas... c'est pas un poète, là. C'est plus un... C'est plus un j'ai vu ça dans l'avion ouais, c'est deux ça, ans, fait que je vois exactement faire la même affaire mais avec des noms différents. C'est même pas subtil. Je fais juste penser à la télésérie Le Masque avec Patrice Lécuyer qui était la vie de Patrick Roy. Là. C'est copié-collé en tout cas. C'est ça, exact. Donc, oui, Réjean Tremblay l'aurait fait. En même temps, moi, ce que je me dis, c'est avant, quand Réjean Tremblay travaillait sur le beat, il y avait les Nordiques. Puis ce que ça donnait comme avantage, c'est que c'est deux entreprises privées qui se battent pour le même marché. Si tu dis de quoi contre une, l'autre va être contente. Fait que t'avais la possibilité de, ben écoute, si j'ai de quoi dire de pas fin contre une, ben je me serais pas fait blacklister par tout le monde. Mm-hmm. Tandis que là, actuellement, ben, il y a rien qu'un club. Fait que t'as pas le choix. C'est vrai. Si tu fais blacklister par ce club-là, t'es fait, il y en a plus d'autres. Ouais, mais en même temps, c'est le choix des journalistes. S'ils veulent pas en parler parce qu'ils veulent garder ça sous silence. Je pense que c'est touch en même temps. C'est le respect des dirigeants puis des joueurs. Puis en même temps, c'est un peu le. Pas le respect des fans, mais tu sais, comme donner l'information, si on veut. Moi, je trouve que c'est un entre-deux. Un peu comme JS, je suis d'accord qu'il filtre, mais. Ça dépend quoi, ça dépend comment, puis ça dépend pourquoi. Là. Moi, là, je pense que c'est vraiment plus une question de sécurité, justement, parce que si Patchery revient dans les séries, puis que tu dis carrément que c'est une commotion cérébrale, ben, il y en a des bozos qui vont y foncer dedans, puis ils vont quasiment essayer de viser la tête, ou peu importe. Ben, c'est d'accord. Sûr... Ça là-dessus, je suis bien d'accord. Tu sais, c'est sûr que là, c'est pas Price qui va se faire rentrer dedans, ça va être Patchery qui va se faire démolir, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve que là, c'est juste cave. Je pense que c'est plus une. C'est carrément une question de protection. Puis tu sais, je veux dire, nous autres, on trouve ça plate parce que crime, ils nous disent à rien à nous autres. Hein, c'est parce qu'il n'y a pas juste nous autres qui lisent les affaires du site. Là. Si, mettons, on commence à jouer contre les Détroits, là, mais ça se peut qu'ils se commandent le Journal de Montréal, tu sais, ou des affaires de même. Fait que ils vont checker de plus en plus, puis à ça, avec les réseaux sociaux, Facebook, pis tout, là, c'est facile d'avoir de l'info, là, mais... Ah non, c'est question de protection. Puis un peu comme JS a dit tantôt, c'est correct. À quelle limite? Puis tu sais, Montréal, comme tu dis, c'est pas comme Dallas ou Nashville qui va avoir comme 2-3 journalistes, puis que là-bas, ils s'en foutent peut-être un peu plus qu'ici. T'sais. Ça paraît plus gros ici parce peut-être, que. Peut-être, non, ils s'en foutent plus que. Ouais, non, c'est ça, ils s'en foutent plus. Mais tu sais, nous autres, on voit ça plus gros parce qu'on accorde tellement d'importance aux Canadiens de Montréal comparé à d'autres équipes, tu sais. Tu sais, à Dallas ou Nashville, ils en parlent peut-être pas, ils vont dire, ah, oh, blessure au haut du corps, le monde s'en calisse, tu sais, je veux dire. C'est zéro important pour eux autres. Là. Fait que je pense que c'est plus aussi la proportion que ça prend ici. Là. Intéressant. Autre sujet, qui veut y aller? Jerry, ça fait un bout. Ouais, ça fait un bout, hein? Ben en fait, moi je veux qu'on parle justement, on parle de Patcherly, je vais faire un petit segway, on va continuer avec lui. T'as peu, j'ai une passe à la palette par rapport à... non, pas Patcherly, excuse, laisse faire, j'avais Petrie dans la tête, va, continue. Ok, c'est bon. Pourquoi je me mêle? bon, c'est pas une surprise pour personne, le Canadien sans Patcherly, c'est pas la même équipe, parce que c'est beaucoup de buts qui est plus sur l'affiche. Est-ce que vous voyez le Canadien aller loin? Mettons que Patcherly, là, il n'est pas là pour la première ronde complète, là, 7 matchs, là, j'invente, là, parce qu'on ne sait pas quand il va revenir. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être capables de passer la première ronde? Moi, je dis que c'est ça. On allait dire la même chose. Moi, ça dépend vraiment contre qui qu'on joue. Si c'est contre Pittsburgh ou Détroit, je pense qu'on peut, sans dire facilement, on peut quand même passer à travers. Surtout s'il y a des joueurs qui se lèvent. Je pense ici à Lars Eller. Qu'il se lève pas depuis super longtemps. Là. Là, il a marqué un but hier. Là, ouais, un but chanceux, là, mais quand même. Ouais, c'est ça. Un but correct, là, en fait. Là, c'est bien correct. J'aime ça, des buts, des fois, qui peuvent faire débloquer les choses. Eller, il a pas une bonne année. Mais en série, il nous a prouvé qu'il est quand même capable de jouer. Fait que si Eller peut être notre René Bourque, parce que l'année passée, Patcherly, c'était pas un facteur. Là. Il a marqué un but gagnant à un moment donné. Un but, tu sais, c'est la première fois qu'il se présentait quasiment. C'est pas sa première fois que c'est la glace qui se présentait. Là. Je veux dire, il a quand même bien joué en série, mais je veux dire, il a pas scoré de points vraiment. Il a pas été dominant l'année passée en séries éliminatoires. C'était Bourque qui dominait. Fait que cette année, on n'a pas de Bourque, puis c'est bien correct. Là, mais si Eller peut se réveiller, si Galchenyuk peut faire une bonne job, je pense qu'on a assez de profondeur pour pallier temporairement Patcherty. Puis si Patcherty revient et est capable de jouer comme il a joué cette année, ben tu sais, on a quand même des chances pour se rendre loin. Là. Fait que pour répondre à ta question de base, je pense qu'avec Eller, ça dépend vraiment de Lars Eller puis peut-être de Galchenyuk. Si ces deux-là sont capables de monter leur niveau d'un cran, on va être correct parce qu'écoute, ils n'ont pas fait grand-chose depuis 30-40 games, ces deux joueurs-là. Là. Ouais, Eller un petit peu plus. Ils ont dit qu'il a commencé à se réveiller, mais... Ouais, il y a une bonne fin de saison. Moi, ouais, c'est dans les standards qu'on est rendus là, avec Eller, il est pas complètement inutile. Non, ben, il faut arrêter de le prendre comme un joueur offensif. Il faut le voir comme un gars à vocation défensive. C'est plate. C'était pas ça qu'on voulait. Mais dans cette optique-là, il n'y a pas eu une mauvaise saison. Ordinaire, ouais. Mais pas mauvaise. Mais ouais c'est ça. Ça dépend de quel adversaire. C'est clair que, tu sais, Boston, Pittsburgh, Détroit, Islanders, à la limite, je peux être confiant sans Patcherty, mais Ottawa me fait peur. Même avec Patcherty. Je pense que Ottawa, ça prendrait une pas pire surprise pour pas qu'il passe la première ronde. Là. Peu importe l'adversaire. Ça peut même être l'occasion, si jamais le Canadien, mettons, baisse d'un rang, Tampa Bay les dépasse, ou mettons que le Canadien perd son dernier match, Tampa Bay gagne son dernier match, Tampa Bay passerait deuxième. Et donc, affronterait, ce serait Tampa Bay-Ottawa. J'essaie d'être clair, là, en série, en première ronde. Je pense qu'Ottawa pourrait battre Tampa Bay. Puis ça, ben, ouais. Ça serait le fun parce que le Canadien n'aura pas à l'affronter vu que c'est sa bête noire cette saison. Ça serait comme positif finalement. Oui, c'est vrai. Savoir. En tout cas, moi, je trouve que Patcherty est un facteur, mais pas dans toutes les séries. C'est pas lui qui va faire gagner ou perdre. Je pense qu'un Subban ou encore un Price a plus d'importance dans les chances de succès ou non de l'équipe. Oui. C'est vrai. Autre sujet? Qui veut se lancer? Ben, je peux me lancer. Je vais continuer sur mes décevants puis mes surprises. Fait que, si vous pouvez me nommer un joueur qui vous a surpris positivement et un qui vous a surpris négativement cette année, que ce soit dans le Canadien ou dans la Ligue nationale, y a-t-il des noms qui vous viennent en tête? Moi, je peux vous en donner tout de suite, ça va peut-être vous inspirer. Moi, mon joueur, entre guillemets, surprise, c'est pas, je le bâche pas parce que c'est juste parce qu'il arrive un peu de nulle part, c'est Tyler Johnson à Tampa Bay. Tyler Johnson, l'année passée, il a eu une bonne année, on s'entend, mais il était un joueur surprise. Avant ça, il n'existait pas vraiment. C'était pas un gars qui était vraiment très connu à travers la Ligue nationale, j'ai l'impression. C'est sûr que les éclaireurs, ils connaissaient là, peut-être de nom un peu, mais je dirais à la base, la plupart des fans, je pense, ne le connaissaient pas. Et puis, dans le fond, tu regardes ça aujourd'hui, tu dis Tyler Johnson, c'est le meilleur pointeur de Tampa Bay. Il est meilleur sur papier, je veux dire en statistique, que Stamkos. On s'entend que Stamkos, c'est lui le leader. C'est lui qui fait marquer les buts et les gros buts et tout. Là. Mais à la base, Tyler Johnson, il a vraiment dominé de toute l'année au complet. Puis tant qu'à moi, c'est lui ma grosse surprise cette année du côté des joueurs de la Ligue nationale. Moi, et je vous? Dirais que moi, j'ai une déception généralisée dans la Ligue nationale. Ça fait longtemps qu'on n'aura pas eu une saison où est-ce qu'il n'y a même pas de marqueur de 100 points. Mm-hmm. Les plus élevés, là, c'est le top 3 est à 83 points. On parle de Tavares, Ben et Crosby. Ils ont tous 83 points. Oui, Crosby le fait en 75 matchs. Là. Fait que sur 82, mettons qu'il irait chercher peut-être le 91-92 points là, cette saison s'il n'avait pas été blessé aucunement. Mais pas de marqueur de 100 points là, pour une ligue qui, lors des deux derniers lockouts, a toutes fait ses réglementations en conséquence d'essayer d'augmenter le nombre de buts. Ça n'a pas l'air d'avoir trop marché. Hein? Non, c'est vraiment une année de goaler. Ça n'a pas de sens. Là. Je regardais ça justement hier. Là, puis les goalers, là, c'est rendu que pour être un bon goaler, ça te prend 925 genre de moyenne. Là, j'exagère un peu, mais à peine. C'est ça, les goalers sont tous bons ou excellent ou malade. Là, c'est fou. Il n'y a pas une équipe qui a comme un goaler vraiment dégueulasse. Il n'y a plus de Tampa Bay et d'Atlanta des années 2000 là, avec Dan Cloutier. Tu avais comme 7 goalers qui goalaient dans l'année et qui avaient toute une moyenne de 3,7. Tu n'as plus ça. Là. Ouais. Sinon, surprise, moi je vais dire Jiří Jüdler avec les Flames. 76 points en 78 matchs. Sa meilleure saison avant ça, c'était 57 points en 2008-2009 avec les Red Wings à l'époque. C'est un gars de une cinquantaine de points par saison, puis là, il vient d'en poter 25 de plus que d'habitude. Là. Écoute, bon, c'est la magie des Flames, ça. C'était ma même. Il y avait ça, puis le retour de Nash là, au oui, début. C'est vrai. Là. Oui, c'est vrai. C'était dans mes surprises, là, mais. Mais Hudler, c'est un très bon choix, en effet. Moi, j'aurais pensé aussi à Ovechkin, tu sais, d'aller chercher sa sixième saison de 50 buts, puis d'avoir été, il y a deux saisons, Ovechkin, si j'avais été les Caps, j'aurais pu l'échanger contre d'autres choses. J'aurais pu me permettre de l'échanger, puis dire, bon, oui, c'est prometteur, on va aller chercher le magot, puis on va recommencer à avoir une équipe qui sera plus centrée alentour de ce gars-là. Mais nouveau coach, nouvelle mentalité, le gars s'est retrouvé, il est meilleur défensivement, puis il est quand même capable encore de marquer des buts autant qu'avant. Une nouvelle efficacité. Moi, c'est un renouveau pour ce gars-là, puis je suis bien content. Oui, je suis d'accord. Ouais. Puis moi, il me restait un joueur décevant à nommer, puis c'est Matt Duchesne au Colorado. Mais c'est plus un... C'est l'équipe, là, c'est entre plus autres, une équipe au complet. T'sais, Duchesne, il n'est pas bon, mais je dis l'équipe au complet. MacKinnon n'a pas eu une bonne année. Puis ils ont pris des décisions, peut-être pas des mauvaises décisions, des fois ça s'imposait. T'sais, laisser partir Stastny, il coûtait cher. Là. C'était un gros contrat. Fait que, 8 c'est pas, millions, hein, c'est ça. Fait que, à la base, laisser partir Stastny, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais le remplacer par Higginla, je suis pas sûr que c'était une bonne idée parce qu'Higginla, il est en perte de vitesse. 7 millions sur le plafond, excuse. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, je trouve que Colorado, en général, non seulement ils n'ont pas nécessairement pris des super bonnes décisions sans prendre des mauvaises, ils n'ont pas vraiment amélioré l'équipe durant l'été. Ils n'ont pas fait des acquisitions majeures côté défensif parce que c'est le seul problème, ils n'ont aucune profondeur en défensive. Puis Varlamov, il était un bon goaler, point. Puis je pense que c'est là qu'on se rend compte que cette équipe-là, c'est une équipe très fragile. Moi, je ne croyais pas à cette équipe-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'était pas dans mes déceptions parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit bon cette année. Puis je pense que ça m'a prouvé cette année que Ils ont encore du travail à faire. Là. Fait que c'était mon choix, c'est Duchesne, mais c'est plus toute l'équipe au complet. Là. Ouais. Sinon, moi, je voulais justement qu'on parle de gardien. Ça donne bien. Là. Tu nous dis Varlamov, qui était juste bon. Hier, on a vécu quelque chose d'assez pas pire avec le Canadien de Montréal, qui a un Price 43e victoire. Il a maintenant le record d'équipe. Astérix, pas d'Astérix, je m'en sac. Okay? C'est même pas ça que je veux qu'on parle. Ce que je veux qu'on parle, c'est, au vu de ce record-là battu par Carey Price, est-ce qu'on commence à voir le début d'une carrière historique à la grandeur de la Ligue nationale? Est-ce qu'on peut penser qu'à la fin de sa carrière, Carey Price pourra se classer avantageusement par rapport aux étoiles de l'histoire de la Ligue nationale? Parce que oui, moi. Parce qu'il fait juste monter de plus en plus. Il a quand même tout le temps été bon en rentrant dans la Ligue nationale. De plus en plus, il fait juste augmenter son jeu à chaque fois. Puis on s'entend que l'équipe qu'il y a devant lui, c'est pas la même équipe que d'autres goalers ont puis qui ont des moins bonnes saisons, tu sais. Non, mais écoute, moi, je pense que ça, il commence à faire sa place, je pense, parmi les légendes du Canadien, au moins, là. Puis c'est sûr que c'est tôt d'en parler de légende, là, mais il a quand même battu un méchant record qui date de méchant en bout, là. Puis il peut juste aller plus loin, tant qu'à moi, là. C'est... Sérieusement, si on a la Coupe cette année à Montréal, bon, je fabule, mais cette année, c'est clairement à cause de lui. Si on aurait la Coupe cette année d'ici quelques années, ça va être l'un des plus gros facteurs à Montréal. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on parle de Vezina, de Hart. Écoute, il y a un record cette année et il doit en avoir d'autres qu'on connaît peut-être pas à 100%, mais écoute, il fait sa place dans la Ligue nationale. Là. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a 20 entraîneurs sur 30 qui dit que c'est lui qui va gagner le Hart, c'est un des plus gros joueurs. T'sais, on en a parlé dans un ancien podcast, là, quel meilleur joueur à date entre, mettons, Crosby puis lui, puis la question est à se poser, puis Crosby, c'est un Hall of Famer déjà, puis il joue déjà, t'sais, il n'a même pas fini sa carrière. Je pense que c'est quasiment la même affaire pour Price. Ce gars-là, il va être dans le temple de la renommée plus tard, je suis quasiment certain. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Price, c'est un... Écoute, Price, tu regardes aujourd'hui à l'âge qu'il a, il a fait pas mal ses preuves. T'sais, oui, il y a eu des moments plus creux au début de sa carrière, mais à la base, il a fait pas mal ses preuves depuis quelques saisons comme étant, même quand il y a des saisons pas extraordinaires comme cette année. Cette année, je pense pas que ça va revenir souvent des années comme ça. Mais des années où il va avoir une moyenne de 2.20 avec une moyenne de pourcentage d'arrêt, mettons, de 920 kecs, qui est comme une saison normale à Star pour Price, mettons. Ben, avec des saisons comme ça, il va tout le temps avoir 40 victoires. Puis il va tout le temps être parmi les meilleurs de la ligue, tant qu'à moi. Fait qu'il peut pas ne pas devenir un des gardiens qu'on parle le plus quand on parle du Canadien, dans l'histoire. Là, t'sais. On parle de Jacques Plante, on parle de Vezina, on va parler de Patrick Roy, bien sûr. Dryden. Dryden. Ben, tu sais, Dryden, encore là, je vais pas dénigrer Dryden, mais il y avait tellement le club boosté devant lui que t'aurais pu mettre, j'aurais pu être dans les net, puis je pense que j'aurais eu des bonnes statistiques, là. Fait que, tu sais, Dryden, il a une super belle carrière, mais tu sais, à la base, sa carrière a pas duré longtemps, il a pris sa retraite tôt et tout. Peut-être que Dryden, on dirait ça, on dirait d'autres choses si il avait duré plus longtemps sa carrière, peut-être qu'il serait considéré comme le meilleur goaler de l'histoire du Canadien, rendu là, on le sait pas. Mais tout ça, pour dire que Price, tant qu'à moi, on peut pas dénigrer son impact sur non seulement l'équipe là, mais sur tout le futur. Puis tant qu'à moi, le meilleur indice, on parlait du Hart tantôt, là, le meilleur indice pour savoir s'il doit gagner le Hart ou pas, c'est regarde les stats de son backup. Ben, je m'excuse, mais Tokarski, il est rien là, présentement. Tokarski, il a des statistiques très ordinaires. Tu regardes Price, des statistiques de fou. C'est signe, tant qu'à moi, que si le Canadien n'a pas Price, ils sont dans la merde. Fait que c'est pour ça que je vais voir ce que tu disais, JB. C'est sans contredit, à moins d'un revirement de situation majeure, soit une blessure, je touche du bois, ou juste qu'il devient plus bon pour une raison quelconque. On peut pas ne pas parler de ce goaler-là comme un des meilleurs de l'histoire du Canadien. Je dis dans 10-15 ans. Là. S'il continue juste comme ça, là. S'il continue juste comme, mettons l'année passée. L'année passée, il y a eu des bonnes statistiques, des excellentes statistiques, mais pas comme cette année où c'est que ça n'a juste aucun sens. Là. Cette année, il y a des stats à la Kiprusov dans son année de malade. Là, t'sais. Fait que ça, je pense que c'est un peu biaisé cette année. Mais si tu retournes à des statistiques comme l'année dernière, qui était un excellent gardien, mais pas au point de gagner le Vezina automatique, ben il va quand même devenir, à long terme, probablement le goaler avec le plus de victoires de l'histoire du Canadien. Là. Je vois pas qui d'autre pourrait le remplacer. Ouais. Autre sujet? Qui est Canadien? Ben, on peut rester encore dans le Canadien. Puis là, ben, en fait, je veux qu'on revienne sur un sujet que j'ai déjà parlé. Mm-hmm. Parce que dernièrement, il y a eu un petit creux à Montréal. Je trouve qu'il y a un joueur qui s'est plus ou moins démarqué, même s'il a scoré quelques buts. Avant de se blesser. Oh, on se devine-tu à qui je parle? Puis vu que JS est sur le show, je veux son avis, puis je veux que le monde l'entende, parce que je sais pas c'est quoi ton avis, mais si t'es pas d'accord avec moi, ben tu vas quitter. Non, c'est pas vrai. Je vais toujours, mettre ma souris sur le petit piton rouge de raccrocher. C'est bon. Non, Max Pacioretty, est-ce que c'est vraiment le prochain capitaine du Canadien? Je veux qu'on en parle parce que... Ah, sacrément. OK. Si tu donnes un bon argument, tu vas pouvoir rester. OK. Moi, c'est plate ce que je vais dire. Ça aurait dépendu des séries qui s'en viennent. Parce que je fais l'avocat du diable un peu pour Pacioretty. C'est qu'il y a beaucoup de monde, puis tu sais, je vous vise pas nécessairement, là, mais il y a beaucoup de monde qui aime pas Pacioretty. Ben, pas qu'ils aiment pas, mais qui veulent pas rien savoir de Matthew Pacioretty parce que c'est pas un... Tu sais, il fait des buts quand c'est pas important, aux affaires de même, là. Bon. Il fait quand même 37. Il a quand même fait 37. Je me sens tellement pas visé. Pas tout, hein. Non, mais c'est parce que t'es pas le seul, c'est pour ça. Fait que je te mets pas dans le coin. Il y a plein de monde qui dit ouais, ça. Je suis dans le coin, pas aidé d'un câble, tu me jabes dans la face. Ouais, je le sais, je vois ça venir. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, regarde, c'est un gars qui a 39 buts l'année passée, 37 cette année. Des buts qui sont pas importants, il y en a, mais on n'a pas tout pris en note. Là. Je suis sûr qu'il y a des buts qui ont été importants, pas nécessairement des buts gagnants, mais des buts qui ont reviré un match de bord ou peu importe. Puis ces 37 buts-là, c'est pas Lars Eller qui va les faire, c'est pas Galchenyuk actuellement qui va les faire. Donc son impact. Ben, Gallagher, il a une très bonne saison. Moi, mon capitaine, je vais répondre à ta question. Mon capitaine, depuis un an, c'est Gallagher. Parce qu'on l'a signé à long terme. Il se donne à fond à tous les matchs. Je dis pas que Pacioretty se donne pas à fond, mais Gallagher, il se donne à fond encore plus. Ça paraît, il se met devant le net, il reçoit des bâtons dans la face. C'est le leader, tant qu'à moi, le jeune leader de cette équipe-là. C'est Gallagher, c'est pas Subban, puis j'aime Subban, mais c'est pas lui, tant qu'à moi, le leader qui ramasse toutes les troupes ensemble puis qui les amène toutes vers un chemin. Tant qu'à moi, c'est Gallagher. Par contre, je ne tasse pas Pacioretty d'un coup juste à cause que, soi-disant, il est T'sais, c'est pas un gars qui va avoir les buts importants au bon moment nécessairement. Martin Gilina faisait des buts au bon moment, puis c'est peut-être pas un capitaine tant qu'à moi. Fait est-ce que je tasse Pacioretty? Non, mais tant qu'à moi, il y a des gens meilleurs comme justement Gallagher, t'as sorti le nom clé. C'est lui, moi, mon capitaine l'année prochaine, puis j'attends pas encore 2-3 ans. C'est lui, mon capitaine, je le nomme tout de suite. Là, JS, on va mettre de quoi au clair, là? Oui. T'as parlé de Martin Gélina, t'as dit Kiprusov tantôt, t'as parlé de Kéria. Là, les références historiques, là, juste si ça vient d'NHL 96. En dehors de ça, t'as pas le droit, OK? Ah, OK, c'est bon. Ça va faire attention, là. Ça va donner Michel Bergeron du show. C'est assez, là. Moi, dans le temps avec les Nordiques, les joueurs. Moi, dans mon temps avec les Nordiques, là, j'avais des joueurs. En tout cas, c'était mon imitation très louche de Michel Bergeron, je suis désolé. Moi, mon capitaine, c'est Subban. Parce que on a eu la discussion, là, l'affaire là, du selfie là, de Price puis sur le dernier show, toi puis moi, Jerry. Puis moi, j'en suis venu à la conclusion qu'une même situation, si c'est Price ou si c'est Subban, c'est vu complètement différemment. Je trouve que ça assoirait clairement le leadership et la place de Subban dans l'équipe. Je suis convaincu que dans la chambre, ce gars-là est un excellent coéquipier, c'est un bon leader et qu'il peut prendre cette équipe-là sur ses épaules. Il a soif de ça, de ce genre de responsabilité-là. Il veut le faire. Il veut le faire et je pense qu'il le ferait bien. S'il y en a un qui a aucune corde, qui a aucun lousse, qui a aucune marge de manœuvre dans la société là, par rapport aux Canadiens de Montréal, c'est bien Subban. Puis gars, check. Il n'y en a plus de scandale, il n'y en a plus de frasques. S'il y en a un qui s'est amélioré et qui a fait tout ce qu'il devait faire pour être bien perçu, même si sa réputation continue à le hanter pour une raison que moi, je comprends mal, c'est moi lui. Aussi. Moi, je donnerais le C. Je pense que son travail, c'est pas de l'opportunisme. C'est peut-être un petit peu ce sentiment-là que j'ai par rapport à Pacioretty, à la manière de... l'ancien buteur, là, Camilleri, qui, l'année du centième, écoute, là, c'est monsieur était capitaine, puis après ça, t'as vu pas son moral, mais sa façon de faire, d'agir, complètement se dégrader après qu'on ait choisi Gianta. Le gars, il a manqué sa chance d'être capitaine, puis il l'a pas pris, tu sais. Mm-hmm. Subban, je vois pas ça comme de l'opportuniste, tandis que Pacioretty, j'ai comme l'impression, ah, c'est cette année que ça se décide, fait que je vais faire mon capitaine. Ça va être bon pour mon estime personnelle. Un petit peu je vois ça chez Pacioretty tandis que je le vois zéro chez Subban, puis je me semble qu'il a tout fait ce qu'il fallait faire pour être un leader dans cette équipe-là, un leader positif, puis je pense qu'il le mériterait. Ben moi, regarde, j'haïrais pas ça que Subban soit le capitaine. Puis c'est ça que je veux mettre l'emphase non plus. Je veux pas que le monde pense que j'aime pas Subban. J'aime Subban. Puis je le regarde aujourd'hui, puis je me dis, hein, un autre année où ce qu'il pourrait gagner le Norris. Dans un autre club, ce gars-là, là, à Montréal, on le voudrait. S'il jouait, là, s'il avait fait toute sa carrière ailleurs, on dirait tellement « Ah, Subban, on voudrait l'avoir à Montréal. » c'est sûr, parce que c'est un joueur, il est pas mal complet, là, puis il a vraiment amélioré son jeu défensif. Ce que les gens aimaient pas de Subban, c'est son jeu défensif, puis ses frasques hors glace. Les frasques hors glace, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, là. On va arrêter, on va se le dire, là. Il y en a plus des frasques hors glace. Ben, il y a eu son selfie. c'est une niaiserie, tant qu'à moi. Oui, mais c'est parce que moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que c'est tellement une niaiserie que quand Price le fait, c'est vu positivement. Ouais. Fait que c'est vraiment parce que c'est lui que ça a devenu un truc négatif. C'est ça, exactement. Fait que, puis comme tu dis, il a fait ses devoirs là. Il y a pas de problème avec ça. Pourquoi moi je vise plus Gallagher, c'est que on dirait qu'il fait plus l'unanimité. Pas à travers les fans, parce qu'à travers les fans, on s'en fout des fans. Tant qu'à moi là-dessus, là, c'est pas à moi de décider c'est qui le prochain capitaine. C'est juste que Gallagher, on dirait que tout le monde tourne autour de lui. Tout le monde l'aime, tout le monde. Il y a encore bien des rumeurs sur le fait que certains joueurs, on parle des vieux joueurs, qui haïssent pas Subban. Ils s'entendent bien avec Subban, mais Gallagher, il fait l'unanimité. Tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Fait que c'est pour ça que je me disais. Si tu fais un genre de vote, là, ben je suis sûr. Je suis qui moi pour dire ça, mais en tout cas. quand t'étais voir dans la chambre, là, quand j'étais voir dans la chambre puis que j'ai demandé, moi, à tous les joueurs, là, j'ai fait un. Sondage comme les assemblées à l'université, là, j'ai fait un vote à main levée pour savoir ça serait qui le prochain capitaine. T'as fait un vox pop. Je suis sûr que c'est ça, un petit vox pop. Je me dis, le choix logique, selon moi, ça serait Gallagher. Mais Subban, il garderait son A, là. Même que présentement, c'est plate. Puis moi, je suis un grand fan de Markov. Je suis un grand fan de Plekanec. Mais présentement, mes A... Moi, je ferais le switch, là, oui. Ça serait les jeunes, là. Ça serait Pacioretty, il y aurait un A. Mettons que le capitaine, c'est Subban. Ben, les deux A, ça serait Gallagher puis Pacioretty. Puis si le capitaine, c'est Gallagher, ben, les deux A, c'est Subban puis Pacioretty. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, je suis d'accord, ouais. Tu sais, c'est... Puis Plekanec, il aurait encore son rôle, là. J'essaierais de dire, go, gars, Plekanec, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est juste qu'on veut comme mover forward en bon français. Fait que tu sais, c'est juste une question de puis tu sais, Markov, je pense pas qu'il le prenne mal non plus. C'est le temps que le leadership se transfère vers la nouvelle génération. Ouais, de toute façon, là, moi, j'aime bien ton. Tu fais dans le fond, quand vous allez sur la page d'accueil du Canadien de Montréal, là, mm-hmm. les six joueurs que vous voyez, là, c'est justement Carey Price, qui est indéniable parce que c'est. Pour moi, c'est un des grands leaders de l'équipe, mais il peut juste parler de lettres. T'as Plekanec, t'as Pacioretty. T'as Subban, t'as Markov, t'as les 4 A sur la page. Mm-hmm. Et t'as, en plein milieu, Gallagher. Mm. Moi, je trouve que ça veut tout dire. En même temps, c'est pas nécessairement mon capitaine. Moi, tout, je vais dans le même sens que JB. Mon capitaine, pour moi, c'est Subban. Parce que le gars a une passion. Il veut prendre l'équipe sur ses épaules. Il veut tout faire, même si des fois, le monde chiale après parce que justement, il en fait trop. Man, c'est un cheminement de vie, Subban, là. Il a tellement fait un parcours humain là, là-dedans. Ouais, est-ce que vous avez regardé la game hier? Oui, mais oui, en partie. Là. Bon, ben, en troisième période, là, quand Smith a touché à la rondelle, là, j'ai tellement aimé la réaction de Subban. Il avait l'air d'un chialeux. En même temps, le gars aime la game, puis il fait ouais. « Non, wow, j'ai une chance de gagner, moi, drette, là, on m'en apprend. Ouais, » hey, okay. Il a touché, puis il était en tabarnak, là, pour ouais, lui. Il avait l'air en maudit. Puis... Puis, moi, il est très encourageant aussi, Subban. Tu sais, quand, mettons, ils font... Il y a un jeu de merde qui se passe, là, une passe mauvaise de quelqu'un. Tu sais, le but, mettons le but, là, la passe de Markov hier, louche. Ah oh, ouais. Tu sais, bon, ben, tu sais, Subban, il a pas été chiolé après, là. Il était comme... Tu l'as vu après, il était comme... Il boostait les troupes pareil, puis tout, là. Fait que, tu sais, c'est un excellent motivateur. Puis l'avantage pour un défenseur comme capitaine à Montréal, c'est que t'as pas la pression de produire offensivement. Ouais. La journée où est-ce que Max Pacioretty va avoir une léthargie de 10 matchs qu'il ne marquera pas, là. C'est déjà arrivé. Puis qu'il marque son premier but après une léthargie, puis il enlève let off the monkey, enlever le singe sur tes épaules, là, d'enlever le poids sur les épaules. Mm-hmm. Il faisait le symbole d'enlever le singe. Là, ça arrive, tu sais, pour les joueurs offensifs. Puis ça, ben à Montréal, le capitaine se doit d'être une régularité, ça doit être une horloge suisse de performance. Sinon, tu vas te faire rentrer dedans. Puis en plus, comme t'es capitaine, tu dois répondre aux journalistes. Puis ça, ben, je pense que pour un défenseur, c'est moins compliqué parce que tu peux ne pas produire offensivement et quand même être un plus pour l'équipe en tant que défenseur. C'est moins regardé. Mm-hmm. Le pire, c'est que Subban produit, tu sais, fait que en c'est très en partant. Mais tu sais, j'aimais bien ton organigramme tantôt de Subban capitaine, puis Gallagher et Pacioretty comme assistant. Moi, c'est carrément ça que je ferais direct là, tout de suite, avant les séries. Je me semble que ça donnerait un boost d'avoir un capitaine. Puis justement, Plekanec, Markov, ben t'es garde comme A à l'occasion s'il y a quelqu'un qui est blessé dans les deux autres, tu sais. Mais sinon. Moi, l'enfant, c'est pas compliqué. Markov et Plekanec, je les échange cet été. Je suis d'accord. J'essaye d'aller chercher de quoi, justement, parce qu'ils sont plus vieux, sont encore efficaces, puis ils ont probablement plus de valeur que d'autres joueurs. Ça donne de la place pour aller signer quelqu'un. Genre Galchenyuk, puis il y a d'autres joueurs dans... Non, genre quelqu'un qu'on va reparler, genre avec un P, là, qui joue défensivement à Montréal. Ouais, aussi, en plus. Mais non, pour moi, sérieusement, Markov, là, je l'échangerais. Puis le pire, c'est que la valeur... Elle avait droppé, puis là, elle augmente. Ça n'a même pas de bon sens à cause de... Il y a des Christie de bonnes stats, là. Puis ouais. Plekanec, c'est probablement un des centres les plus complets de la Ligue nationale. Autant offensif que... Il y a quand même 25 buts cette année. Je veux dire, il est quand même bon offensivement, puis défensif, on se le cachera pas qu'il est dans les meilleurs du Canadien. Tu sais, Heller commence à prendre sa place, si on veut. T'sais, il joue très bien défensivement, fait qu'il est facile à remplacer, je trouve. Markov, bon, ben, check justement, on parlait du joueur avec un P tantôt, qui va probablement être dans le top 4. Il y en a qui poussent, là, Patterin. J'espère plus pour Trinordi, mais on verra. T'as Beaulieu qui pousse aussi. Je trouve qu'il y a de la place, puis tant qu'à moi, tu peux peut-être aller chercher quelque chose pour booster ton club. Autant, genre, un vétéran qui va être pas dans le top 4, mais comme qui peut mettre de la profondeur avec des choix de ronde ou Plekanec, même chose. On a assez de jeunes puis autant de profondeur, je pense qu'on est capable de les laisser aller. Ouais. Oh, et puis. Pas pour rien, mais. À la limite, tu sais, Tom Gilbert, pour vrai, là, deuxième moitié de la saison, a repris sa place de défenseur défensif adéquat. Je dis pas de super bon, là, mais adéquat. Ah, il fait un job. 5-6e, moi, je suis à l'aise avec ça. Puis, moi, Patterson. Tu sais, je l'ai vu là, à Montréal dans une game. Je pense que c'est comme son troisième match qui était avec l'équipe. Pour vrai, il était le meilleur défenseur ce soir-là. Il a du potentiel, puis je le vois sur le top 6 du Canadien là, pour les prochaines saisons. Là. Fait la seule affaire qui manque à Patterson, c'est de tirer plus au net parce qu'il y a une espèce de shot, ce gars-là. Là. C'est une question de confiance, mais au moins... Sa confiance est sur les éléments offensifs, puis le rôle principal de défenseur, c'est défensif. Fait, je préfère qu'il se concentre là-dessus, qu'il trouve son beat, qu'il trouve sa place, qu'il trouve ses repères, puis après ça, il rajoutera de la sauce. Là, ouais, qu'il fasse un peu comme Beaulieu. Exact. Je suis bien à l'aise avec ça. Moi, je suis le Canadien, puis à la limite, s'il y a quelqu'un qui veut Emeline, go. Parce que moi, je veux juste réagir. Je suis plate un peu, moi, je suis vieux jeu, là, mais pour échanger Markov. Il va falloir que tu ailles du solide dans Sacrament. Puis Plekanec aussi, tant qu'à moi. Parce que, ah, c'est sûr, sinon t'es garde. Si, ouais, parce que Markov, en plus, c'est un joueur tellement rare dans la Ligue nationale, un joueur loyal, un joueur qui performe encore à 36 ans. Je dis pas qu'il faut absolument les garder jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite, ces joueurs-là, mais surtout Markov, j'aurais tendance à y donner le respect de le garder, à moins qu'il veuille être échangé. Moi, j'ai cette tendance-là, surtout à moins qu'il soit pourri, à moins que le Canadien soit pas bon, ce qui est pas parti présentement, là. J'aurais tendance à le respecter assez pour dire, regarde, moi je te garde un peu comme les Ottawa ont fait avec Alfredson jusqu'à ce qu'il s'en aille parce qu'il voulait pas, en fait. Ouais, je sais pas trop, parce qu'il a pas signé. Il a pas signé, là, mais je dirais à la base, ils l'ont pas échangé. Puis moi j'aurais tendance, même si tu perds des assets, je sais que c'est le principe d'actif, la gestion d'actifs, mais j'aurais tendance à garder Markov jusqu'à ce que lui veut partir ou jusqu'à ce qu'on soit vraiment mauvais. Je suis convaincu que Bergevin, il est comme toi. Là. Je l'ai écouté en entrevue. Il dit, tu sais, moi, le plus dur, c'est d'échanger un gars parce que je sais que la famille est impactée. Puis t'es, bon. Je suis sûr qu'il pense comme toi, là, mais moi, je serais tellement gestion d'actifs. Là. Ouais. Moi, j'ai pas de cœur en tant que gestionnaire d'hockey. Je suis moitié. Il y a une question aussi des joueurs que ça marche pas. Je vais essayer d'échanger. Comme j'ai pas le même respect pour Emlyn puis pour Desharnais. Ah non, c'est clair. Parce que moi, les joueurs, t'as nommé Plekanec. Plekanec, je l'échangerais pour une bonne offre, mais sinon, je le garde. Je dis, c'est un bon joueur, il t'offre quelque chose. Desharnais, Emeline, si t'es capable de les échanger, ce joueur-là, quitte à recevoir, c'est sûr, beaucoup moins que t'aurais pour Markov et Plekanec. Je peux pas dire le contraire, t'auras peut-être rien pour ces joueurs-là. Mais ces joueurs-là, ça, si tu peux t'en débarrasser, c'est correct. Parce que Emeline, il sert à rien. Là. Patrin, il fait le même job. Gilbert fait le même job. À part que Gilbert, il frappe pas fort comme Emeline. Emeline, il frappe fort, mais il manque ses mises en échec une fois sur deux parce qu'il suit pas le jeu comme faut. Fait que ces deux joueurs-là, ils te libèrent pas loin de 8 millions, pardon, sa masse salariale à deux. Presque 9, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis d'accord qu'il y a des moves à faire pour essayer d'améliorer ton équipe en signant des joueurs dont un qui commence par P. Mais, tu sais, en tout cas, j'aurais bien de la misère à changer Markov. Plekanec, okay. Peut-être un peu moins, malgré que je suis fan de lui, mais quand même. Parlons de P. On a reçu une passe à la palette de quelqu'un qui s'appelle Jess Chaplot. Je sais pas c'est qui. Qui dit Petrie, qu'est-ce que vous faites avec pour le garder? Et lui, il doit répondre moi, tout. Fait que vos commentaires, toi, Jean-Sébastien Chaplot. Moi, je fais tout. J'exagérerais peut-être en disant tout. Là, je donne pas un contrat de 8 millions par année, mais j'essaierais vraiment de le garder par tous les moyens parce qu'il démontre présentement que Edmonton, c'est une place de marde. Parce que, écoute, oui, il joue tellement différemment. Chez nous, à Montréal, il joue bien offensivement, ce qui n'était pas nécessairement, il n'était pas reconnu nécessairement. Il était reconnu comme un joueur qui est capable d'avoir un certain talent offensif, mais il n'a jamais eu des saisons à tout casser à Edmonton. Le gars jouait ses talons, là. Tu sais qu'à moindre erreur, c'est un but là, à Edmonton. C'est clair, exact. Tu tiens plus loin, tu te recules plus pour padder. Là, puis il était comme quelqu'un qui va l'arrêter, là. C'est ça, parce qu'Edmonton était le penchant défensif quasiment. Il jouait avec genre Schultz, là. Puis Schultz, c'est comme la pire merde défensive de l'histoire de l'humanité, là. Fait que probablement que c'était comme son rôle, c'était de faire le genre de gars qui reste en arrière. C'est le Carson des pauvres, là, Schultz. C'est ça, exact. Fait que moi, Petrie, je remarque que c'est un défenseur. Il me fait penser un peu à quand on est allé chercher Wisniewski. Wisniewski, c'est un défenseur. Là, je pousse peut-être, là, mais Wisniewski, c'est un défenseur qui était quand même relativement offensif, mais pas tant que ça. Wisniewski, c'est 100% offensif. Non, mais dans le temps qu'on est allé le chercher, c'était pas un joueur. Il n'a jamais eu 50 points avant, là. Quand on est allé le chercher, c'est un joueur qui faisait 35 points parce qu'il jouait tout le temps cinquième défenseur dans une équipe, que ce soit à Anaheim ou à Chicago. Quand on est allé le chercher, par contre, il s'est développé tout de suite d'un shot comme un super bon défenseur offensif qui était défensivement correct en plus. Puis c'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on s'en est débarrassé, entre guillemets, c'est que. Il allait coûter trop cher, puis il a eu genre moins, je sais pas combien. Là. Fait que, tu sais, il s'est développé en genre de Sheldon Surrey pour le Canadien, je pense, là, Wisniewski. Mais Petrie. J'essaie de trouver sa fiche de stats parce que il avait déjà cette réputation-là d'être un joueur très offensif. Là. C'est un joueur qui était capable de jouer offensivement, mais comme je dis, c'est un joueur qui jouait jamais top. Il était même pas top 4 dans les équipes. Oui, mais exemple, l'année qu'on l'a eu à Montréal, avec les Islanders, il y avait 21 points en 32 matchs. Pour un défenseur, c'est très, très offensif. Mais après ça, 30 points en 43 avec le Canadien. Là. Ouais, mais les années d'avant, il y avait 25-30 points. Là. Tu sais, c'était pas un joueur qui était. Sérieusement, il dominait pas offensivement. Je dis pas qu'il était pas bon. Mais même, tu sais, il était bon dans la ligue, dans le junior. Il y avait comme un point par match en fin de carrière dans la ligue junior. Mais quand tu le regardais jouer à Anaheim, mettons, ou avec, je pense, c'est Chicago, c'est un gars vraiment qui faisait 25. 30, peut-être 35 points par saison. Dans ce sens-là, ouais, c'est bon. Je comprends. C'est pour ça que je te dis que c'est sa réputation à ce moment-là. Après ça, il s'est développé. Comme tu disais, avec les Islanders, il y a eu un très bon moment. Puis quand on est allé le chercher, nous autres, il a continué sur sa lignée de quasiment un point par match. Puis il est devenu un défenseur clairement offensif. Je pense qu'à Columbus, il a frappé le 50 points. Fait que tu sais, c'est quand même un. Puis c'est ça l'affaire. J'essaie pas de comparer les deux non plus. Je veux pas non plus jouer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que Petrie, à Edmonton, c'est un joueur. De techniquement 25-30 points. Puis là, il se développe présentement à Montréal en quelques matchs. Il nous démontre du talent offensif. Puis il nous fait pas mal défensivement non plus. Il est capable de manger des minutes. Donc, moi, ce gars-là, si je peux le signer, même à 5 millions, là, je le ferais. C'est peut-être beaucoup, vous allez me dire, mais quand tu compares avec Boychuk, là, qui gagne 6 millions, là, mais malheureusement, je pense qu'il va demander plus cher que 5 millions. Là. À 5 millions, oui. Moi, c'est un deal, là, mais c'est, surtout que c'est avec 1 million de plus que Heller. Là. Ouais, puis Emeline. Tu partais pour dire quoi, Jerry? Ben voilà, en fond, c'est ça. Je voulais. Mon maximum, moi, ça serait 6 millions. Moi, je suis 1 million de plus que vous. Là. Mais moi aussi, Petrie, je le garde parce que si on va faire un petit comparatif, là, c'est sûr qu'il n'y a pas le même nombre de matchs joués, là, mais à Edmonton, il y avait 15 points, il était à moins 25. Je sais que c'est Edmonton, là, mais quand même. puis il avait joué 59 games. Là, il a 18 games de jeu à Montréal, puis il est déjà rendu à 7 points, puis défensivement, il est quand même assez bon parce qu'il est juste à moins 1. Puis moins 1 dans une période où le Canadien a de la misère. Fait que et voilà. Tu compares avec Pacioretty à plus 40, genre, ben, c'est normal, il était là tout le temps que ça allait bien. Là. Fait que, C'est sûr. Mais non, pour vrai, écoute, c'est on n'a pas donné autant pour, je suis vraiment content. Puis même si on se rendrait maintenant en troisième ronde puis qu'on lui donne un choix de deuxième ronde, je trouve que si t'es égal de re-signer, ça vaut amplement la peine. Ben, Moutou, je fais comme Jean-Sébastien Chapelot puis je le signe à tout prix. Quitte à échanger Emeline d'une façon quelconque à un GM stupide. Peut-être que Buffalo, il aimerait ça. Peut-être faire un duo Emeline-Georges. Ouais. Peut-être, qui sait. Et toi, JB, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes toi aussi, j'imagine? Oui, je le garde, ouais. Mais moi, je suis pas, 6 millions, je suis pas prêt, parce que si tu veux garder, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas manquer de place, là, sur le plafond salarial, là. Tu sais, t'as Markov, t'as Subban, t'as Petri, après ça, t'as Emelin, t'sais, moi, il y a Emelin puis Markov que je serais prêt à sacrifier pour pouvoir avoir, pour pouvoir avoir Petri et Subban dans l'équipe, mais je pense pas qu'on puisse garder les 4. Mm-hmm. C'est là le problème. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est à sacrifier. Ça risque d'être Emeline, mais si tu le sacrifies contre quoi? Son salaire va en augmentant, puis ses performances tendent à diminuer. Mm-hmm. Fait que c'est questionnable. Il faudra que Marc Bergevin nous démontre encore une fois qu'il est capable d'user de magie. Pour moi, il y a des trucs de d'hypnotisme, lui, parce qu'il a passé une couple de contrats bizarres à trop de monde. Ouais, c'est ça. Exact. Mais le pire, c'est qu'Emeline, même s'il leur file ailleurs. Tu sais, je veux dire, il a refilé du stock encore plus mauvais qu'Emeline. Emeline, il est pas mauvais. Honnêtement, il est quand même à plus 7. Il a 14 points en 67 games. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut être un atout pour une autre équipe. Là, par exemple, il faut juste falloir qu'il. Tu sais, comme on disait, il faut qu'il vende un rêve qu'Emeline est plus que ce qu'il est vraiment. Mm-hmm. Mais il est quand même, tu sais, il est pas mauvais en tant que tel. C'est juste que. À Montréal, c'est le contrat qui fait mal. C'est juste ouais, il y a ça, puis je pense qu'il n'y a plus sa place nécessairement à Montréal, parce qu'ailleurs, tant qu'à moi, il y a une place ailleurs. Oh, oui, dans ce gars bon qui est calé bénéficiel. Oui, c'est ça, mais à Montréal, je pense que le temps est fait, puis tu sais, honnêtement, je veux dire... C'est vrai que le temps, il est fait. On l'a dit au début du show. Mais tu sais, je veux dire, entre Emeline puis Gonchar, il me semble que je garderais Gonchar pour un an, 1 million, tu sais. Non. Non. Oui. Sans rancune. Non, Jerry. Toujours. Non. Gunchar, 1 million. Tu tripes donc bien, c'est vieux. Yager. Oui, non, mais j'aime ça. J'aime les vétérans. J'aime. Oui, il fait une 96. Ouais. Il y a vétéran et il y a ancêtre. C'est pas. Arrête. Hey, je sortirais les deux meilleurs de sa retraite et je leur signerais à Montréal. Non, ouais. Peut-être pas. Non. Donc, sujet, qui a encore des trucs? Écoute, moi, on a commencé à faire pas mal le tour. Je l'ai parlé un peu, ben, vite fait, là. Est-ce que vous pensez que l'esprit d'équipe dans le CH est vraiment très bon? Ça m'a fait penser un peu à ça à cause de l'entartement d'hier. Ça va l'air vraiment avec le party après la victoire. C'est clair que les gars sont tous derrière Price. Ça, c'est sûr. Le leader ultime du Canadien, là, on parlait de capitaine, c'est Price. Là. C'est même pas proche d'être subtil. Là. Et tant que Price va, tout va. Moi, je pense que c'est ça. Là. On a eu une petite baisse de régime. Puis, grâce à Price, j'avais quand même l'impression que le Canadien pouvait gagner à tous les soirs. T'sais. Peu importe l'adversaire, si Price va, tout va. Oui, je suis d'accord. L'ambiance, justement, ce que j'aime, c'est que l'ambiance, contrairement à certaines années passées, semble assez unanime. T'sais, tout le monde veut aller dans le même sens, puis tout le monde, il y a pas trop de chicanes, il y a pas trop de niaisage. Fait que l'ambiance semble définitivement là, puis tout suit comme tu dis pour Price, mais tous les jeunes justement, ils tirent tout vers le bon, tout vers le même chemin là. T'sais, que ça soit justement Pacioretty, Subban, Gallagher, Galchenyuk, tout le monde semble suivre, même s'ils ont pas toutes des bonnes saisons, ils réussissent quand même tout à garder un bon moral. Là. Fait que c'est quand même encourageant. Là. Ouais. Jess, à moins que tu aies d'autres sujets. On pourrait peut-être aller avec les passes à la palette. Bon, j'ai pas d'autres sujets. On peut faire ça. OK. Passes à la palette, les deux sont de William et mon Guénette, animateur de Les Geeks sont parmi nous, sur lequel tu collabores, Jerry. Donc, on le salue. Puis, écoute, si les auditeurs, vous avez des passes à la palette, N'hésitez pas via les réseaux sociaux, on vous dira à la fin de l'émission comment faire. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos interrogations. William commence en nous demandant est-ce que le Canadien devrait miser plus sur les Québécois, comme dans le temps? T'sais? Vu qu'on entend souvent ça chez les partisans, là, ça prend plus de Québécois, on va donner avantage aux joueurs québécois. Vous, là, en tant que connaisseur de hockey, c'est quoi votre opinion là-dessus? Ça prend-tu absolument des Québécois? Je peux y aller super rapide, puis tu y vas après. Vas-y. Parce que ça va prendre 2 secondes. On s'en calisse. C'est à toi, JS. Je vais aller dans la même voie que Jerry en expliquant mon point plus en profondeur. Parce que Jerry, on le connaît, il est trop volubile. Il aime ça, tu sais, extrapoler. Souban, c'est Souban. C'est ça, ouais. Écoute, moi, à talent égal, j'aurais pas nécessairement de problème d'aller chercher un Québécois. Ça existe pas, le talent égal! Non, mais ça peut exister. Oh, du mythe de marde. Non, mais regarde. Ça n'existe pas. Oui, il y a des joueurs qui sont exactement, selon l'échelle de talent de GS, il y a du monde à 50, puis il y en a d'autres qui sont à 50 aussi. Okay? Ouais, mais selon la fonction, selon le style de jeu, le talent peut être égal, mais la fonction, l'utilité du joueur peut être différente selon le club. Fait que ça n'existe pas, le talent égal. Bon. Fait que j'étais bien content de faire partie du show. Non, mais en tout cas, bref. Moi, j'ai rien contre aller chercher des Québécois, mais je ferais pas un effort particulier pour aller chercher des Québécois parce que sinon, ça va donner des gens de Louis Leblanc de ce monde, là. Ou ce qu'ils font comme, il est Québécois, puis il est là, fait qu'on va le prendre parce qu'il est Québécois. Moi, ça me gosse d'ailleurs, c'est plate, mais tu sais, il y a 2 joueurs cette année dans le Canadien de Montréal, c'est des Québécois, puis qui me que genre j'aime pas vraiment là. T'sais, comme Desharnais, genre je l'aime pas, puis ben pas je l'aime pas personnellement, mais comme joueur je trouve qu'il apporte pas grand chose aux Canadiens, puis son nom ça serait Larionov, ben je penserais la même chose, mais ouais, vu qu'il est Québécois, alors, des fois je me sens quasiment cheap de dire que je le flusherais. Puis tu sais, Bournival, même chose, c'est sûr que Bournival, on a appris qu'il jouait blessé là. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais à la base, c'est pas parce qu'un joueur québécois, il faut que tu donnes une place nécessairement. Par contre, aller chercher un joueur québécois qui performe à Montréal, moi, je serais bien content. Là, ça en prend, je pense, à un moment donné, que t'ailles des Québécois, mais il faut pas non plus faire un effort particulier. S'il y en a pas, il y en a pas, puis c'est tout. Je veux dire, il faut pas non plus là, virer fou avec ça, parce que sinon, justement, tu te retrouves avec des joueurs qui performent moins bien. Puis les 2 derniers Québécois qu'on est allé chercher, qui sont censés être bons, il faut à rien. Brière puis Parenteau. Brière, on voit que c'est général parce qu'à Colorado, ça marche pas plus. Là. Parenteau, mais... il est pas si pire, par exemple. Il est pas dégueulasse. C'est blessure, là. Non, c'est ça. Il est pas dégueulasse. Mais 22 points à 55 games, c'est pas si pire. Là. Pour ce que je m'attendais pas à plus de Parenteau. Dans le sens ça, je veux dire, oui, il coûte trop cher, mais c'est le marché. Brière. C'est ça. Moi, c'est ça. Là-dessus, je suis d'accord. Je veux dire, est-ce que j'aime mieux. Je pense que j'aimerais mieux Brière au moment actuel parce que je me dis on perdrait son contrat et ça serait réglé. Là. Mais à la base, côté hockey, là, côté move de hockey, là, je pense par en tout, c'est bien meilleur. Là. Fait que là-dessus, c'est pas un mauvais deal. Mais tout ça pour dire que, pour répondre à William, je ne ferai pas d'effort particulier moi, pour aller chercher des joueurs québécois et surtout pas au repêchage. Parce que c'est là justement que tu te lances souvent en allant chercher des joueurs qui ont 1 point par match dans la Ligue junior majeure du Québec, mais tout le monde a 1 point par match dans la Ligue junior majeure du Québec. Fait que ça veut rien dire. Fait que ma voilà grand-mère mon opinion. A déjà eu 1 point par match. Non, mais tu sais, tu regardes Maxime Boisclair, c'est mon exemple classique, il a eu 70 buts en 70 matchs, puis une saison de 140 points. Puis après ça, il a joué genre 3 ans après dans la Ligue élite d'Haïti. Genre. Tu fais comme, wow, c'est super winner. Fait que, voilà. Mais tu sais, en même temps, moi, je me dis qu'actuellement, le joueur québécois le plus utile aux Canadiens de Montréal, c'est Torrey Mitchell. Il n'y a personne qui parle de lui. Pourtant, c'est un gars de Montréal, mais il y a un nom anglophone. Ouais, c'est pas un nom québécois. Tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est tellement relatif. Là. Moi, je suis pas pro joueur du Québec. Moi, je suis pro talent, puis le talent n'a pas de nationalité. Fait que peu importe il vient de où, peu importe la langue qu'il parle. Écoute, il peut parler islandais, man. Ça tente, là. Moi, je suis pas trop. Surtout si c'est les Islandais du film Les Mighty Ducks 2. Moi, j'embarque. Si c'est ces Islandais-là, j'embarque. Ça, c'est un solid team. C'est l'équipe impossible à battre. Exact. C'est à ice hockey, là, ils étaient tous pectiques des gros, les autres. Exact. Moi, l'enfant, je vais racheter un enfer aussi. Tu sais, là, je pense que les fans vont être aussi contents que le Canadien gagne une coupe cette année avec 18 Russes, 4 Suédois, puis on s'en fout, sérieux, là. Je veux dire, la parade va être aussi le fun qu'avec 15 Québécois, tu sais. Mm-hmm. sérieusement, je veux dire, moi, en autant que l'équipe gagne, je me fous du nom du joueur, je me fous de sa couleur, de sa race. Je pense pas qu'il y ait du monde qui s'artienne d'acheter des jerseys de Price parce qu'il est pas québécois, tu sais. Et voilà. Mais non, c'est en tout cas, sérieusement, j'ai bien de la misère avec ça. Surtout aussi le fait français, là. Regarde, sérieusement, si le joueur parle français, c'est un esti de bonus, là. Ça a l'air que le pédalo, il va au Games canadien puis il crie « En français, s'il vous plaît! » Alors, à chaque fois qu'un joueur touche la rondelle, il gueule ça. Moi, j'ai de la misère, sérieusement. Puis en tout cas, comme j'ai dit tantôt, on s'en fout, là, c'est pas important. Puis tant que l'équipe gagne, tant mieux. Autre question, c'est la dernière passe à la palette du show. On veut notre opinion sur Tokoski. C'est-tu un bon gardien numéro 2? Puis surtout, est-ce qu'on aurait dû garder Boudaille? Tu peux tirer en premier? Et moi, oui, je t'ai une solide ouais. réponse, mais vas-y. Je vais commencer avec Boudaille. Honnêtement, s'ils l'ont échangé, probablement qu'il y avait une bonne raison. Je pense pas que la bonne raison, c'était que Tokarski jouait bien. Je pense que c'était juste... il voulait juste s'en débarrasser. Moi, je suis sûr qu'il y avait quelque chose en arrière de ça. Il s'est clairement passé quelque chose. Là, Boudaille, juste de même, là, n'a pas aucune victoire depuis le début de la saison. Non, c'est sûr. Ligue américaine, Ligue nationale compris. Là. Il a rien fait. Je veux dire, il y a quelque chose. Je veux pas dire, de victoire pas... dans la Ligue américaine. Il y en a qui me disent, regarde, le gars est déprimé. Regarde, je veux bien, là, il s'est fait flusher par le Canadien. C'est le gars, il a acheté des cordes en rabais chez Home Depot dernièrement. Tu sais, je pense pas que... C'est tellement dull comme job. Vraiment, ouais. Je m'excuse, gang. Tu sais, je veux dire, je pense qu'en bon professionnel, tu tournes la page assez rapidement, il se serait replacé à... Il est à Saint-Jean, man. Mais même là, on s'en fout, là. Tu joues au hockey pareil, puis je veux dire, si tu veux sortir de Saint-Jean, faut que tu joues bien, tu sais. Oh oui, je sais bien. Fait que je pense qu'il y avait juste une. Sors de Saint-Jean, tu te rends Winnipeg, gars. Aucun espoir, ouais, là. Arrête, là. Mais sinon, pour Tokarski, c'est sûr que ça reste un goaler numéro 2. Ça serait pas mon goaler numéro 2. Le problème, c'est que c'est un gardien numéro 1. Il a toujours été gardien numéro 1. Puis être gardien numéro 2, c'est tough. T'embarques dans l'action n'importe quand. T'es pas préparé. C'est tough d'être préparé en sachant que tu goals jamais. T'sais. Puis Tokarski a de la misère à s'adapter avec ça. En tant que gardien de but numéro 1, t'es dans le B. T'es tout le temps chaud. Là, t'es tout le temps hot. Là, c'est pas le cas. Puis je pense que Tokarski n'est pas un bon gardien de but numéro 2 dans l'âme. Il est un pas pire gardien numéro 1, mais un. Pas un bon gardien de but numéro 2 dans le thème de la fonction qui est un gardien de but numéro 2. Sauf que je pense pas qu'il serait le numéro 1 dans la Ligue nationale. Non, mais tu sais, bon... il y a un contrat pour l'an prochain, 575 000, il prend pas de place sur le plafond salarial. Ouais, c'est sûr. Rapidement, on va pouvoir trouver d'autres options. Tu sais. Fait que, moi, je pense que c'était ça. C'est que Boudaille aurait fallu le payer avec un meilleur salaire vu sa réputation, vu son expérience. Tu sais, c'est quoi, là? On y aurait donné genre 1,5 million pour un gars qui aurait grugé 1 million de dollars de trop sur le plafond salarial que tu peux pas donner à un autre joueur. Puis Tokarski le prend pas, ce million-là, puis te permet de le mettre sur d'autres mondes. C'est pour ça. C'est un move comptable. T'sais. C'est totalement ça. Tokarski, c'est quand même un move comptable. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, Tokarski, c'est un goaler, par contre, qui m'a un petit peu déçu cette année. Je m'attendais, mais tu sais, j'étais peut-être complètement aveuglé par ses séries de l'année dernière. Cette année, je trouve qu'il... Mais comme tu dis, JB, c'est une question aussi qu'il joue pas souvent. C'est pas le même beat, là. Je pense qu'il y a vraiment de la misère à prendre son trou un peu, là. Puis il y a vraiment à faire un match à la fois parce que justement, il est comme habitué, puis pour lui, il a perdu le beat un peu. Moi, ce que j'espère, c'est peut-être que Stéphane White va travailler avec cet été. Peut-être qu'il va revenir plus en force, puis après, ben on l'échangera. Parce que moi, ce goaler-là, de toute façon, il veut être numéro 1, puis il est capable, je crois, de l'être, même malgré sa grandeur. Il est peut-être c'est pas un grand goaler, là, mais je pense qu'il est capable peut-être d'être un numéro 1 ou au moins d'avoir une chance d'être numéro 1 quelque part, puis ça sera pas à Montréal. Fait que, genre, il faut lui... Edmonton. Ben, ou peut-être, ou tu sais, mais remarque, tu vois, ils sont déjà embarqués avec le je pense que c'est Laurent Brossois, son nom, je trouve même. Là, ouais, ou, okay. C'est un goaler que je connaissais pas du tout, là, mais il a été fou là, hier. Là. Fait que, tu sais, moi, je me dis, peut-être qu'il y aurait sûrement une équipe qui voudrait peut-être l'essayer, Tokarski. Fait que je l'échangerais aussitôt que sa valeur revient un peu. Là. Mais j'espère qu'il va pouvoir remonter où ce qu'il était l'année dernière. Puis peut-être qu'on pourrait l'échanger avec Stéphane. Tu sais, si Stéphane White travaille avec, selon moi, il pourrait revenir. Puis pour Boudaille, il est pas bon, puis c'est tout. That's it! Il y a 3,53 de moyenne dans la Ligue américaine, et voilà. Oui, il y a un truc, j'ai un dernier petit sujet pour finir le show, puis c'est un truc qui commence à dater un peu, mais je pense que c'est plus d'actualité que jamais avec les séries, tu sais, la date limite des transactions qui est passée, les séries, on est sur le bord de la fin de la saison, on va savoir c'est quoi l'ordre de sélection des équipes au prochain draft. C'est un article qui a été fait par Craig Costens de ESPN qui citait une entrevue avec le DG des Sabres de Buffalo, Tim Murray, qui dit il nous dévoile c'est quoi le prix pour Connor McDavid. Mettons que tu veux l'échanger, là, si c'était lui qui les ramassait, qu'est-ce que ça prendrait pour aller chercher? Puis, je vous cite le DG Murray. Il dit « Disons que si le Lightning était intéressé, il serait mieux d'inclure Steven Stamkos dans leur offre. C'est une offre à ce point ridicule que ça prendrait. McDavid est le type de joueur qui n'est disponible qu'une fois par génération et qui peut complètement changer une franchise. » Et là, ma question est, est-ce que c'est le temps d'échanger Crosby? Et feriez-vous Crosby, McDavid? Tu sors ça de loin et tout, hein? Sur Facebook. Oui, ça fait un bout, hein? Oui. Voilà. Tu ferais... Moi, oui. Tu changerais McDavid? Pittsburgh va plus nulle part. Moi, tant qu'à moi, Pittsburgh, là, ouais, ça commence si tu es les Sables, là, t'acquières McDavid. Si je suis plus les Sables? Non, ouais, je mais faut se mettre des deux bords, là. OK. Si je suis Pittsburgh, puis que j'ai la chance d'aller chercher le premier choix overall, parce qu'il faut que ce soit automatiquement le premier choix overall, je le ferais pas maintenant, le deal, là, on s'entend. Là. Je l'aurais pas fait avant la trade deadline non plus. Mais tu te retrouves avant le repêchage. T'as la chance d'avoir le first pick overall contre Crosby, je le considère, parce que c'est Crosby. Crosby, c'est un joueur d'impact, c'est un des meilleurs joueurs au monde, mais c'est un joueur très injury prone, il peut se blesser n'importe quand. C'est un joueur à risque, et il a une bonne réputation quand même, je ne blasse pas Crosby ici, mais je le considère. Puis McDavid, c'est un coup de circuit, je crois. C'est sûr qu'il peut se planter, il peut faire un Alexandre Deck de lui-même, mais les derniers repêchages nous démontrent que les joueurs vraiment d'exception, comme Stamkos, comme Tavares, comme Crosby, ils deviennent ce qu'ils sont censés devenir. Et de là, mon lien avec Stamkos, si je suis Tampa Bay, c'est sûr que je vois pas pourquoi Tampa Bay se ferait ça, parce que eux, la fenêtre pour gagner la Coupe est là. Ah, elle ouvre, ils ont, là. Ils ont tellement de bons jeunes actuellement, ça donne rien d'aller en chercher un de plus. Stamkos, c'est un des meilleurs joueurs au monde, au même titre que Crosby, tant qu'à moi. Mais Stamkos, tant qu'à moi, il est pas échangeable actuellement parce qu'il y a pas de mauvais côté à Steven Stamkos versus Crosby, il y a les blessures. Fait que c'est ça la moi, si je suis Pittsburgh, je le ferais malheureusement là. Puis si je suis Buffalo, je le ferais pas parce que justement j'aime mieux McDavid que Crosby actuellement, même si c'est un risque, même si ça se pourrait que je perde ma job dans 5 ans parce que finalement McDavid fout rien, je ne ferais pas ce deal là si je suis Buffalo. Jerry? Ben, un peu la même chose, mais en même temps, ça dépend, tu sais, au PDP, c'était qu'à mettre Crosby, puis autre chose, là, peut-être que tu fais plus un oui, mettons, pour Buffalo, mais c'est sûr que c'est tough, je trouve, parce que McDavid, d'un, il est plus jeune, il a des Christy de bonne stat, ça m'étonnerait qu'il fasse un Alexandre Deck de lui-même, tu sais, en même temps, imagine t'es à Buffalo, tu dis non, je prends pas de chance avec, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, puis ton dirigeant va faire qu'est-ce que tu fais, c'est McDavid, fallait prendre. Il y a des chances que tu perdes ta job plus rapidement que 5 ans, tu sais. Tandis que le guess avec McDavid, c'est un maudit bon guess, là. Je veux dire, c'est juste évident que c'est le premier choix, tu sais. Fait que, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, je pense que n'importe quelle équipe repêche numéro 1, repêche McDavid. Fait que c'est juste. Oh oui, ça c'est. C'est même pas une question, là. L'autre avantage, c'est ce que je vois, c'est au niveau financier, Crosby te coûte 8,7 millions en partant. McDavid peut t'offrir des performances, peut-être pas du niveau de Crosby là, mais d'ici 3 ans. Puis pendant ces 3 premières années-là, le maximum salarial, c'est 0,925 pour les recrues. En réalité, plus bonus, là, mais donc tu fais de l'argent. T'sais, pour les mêmes performances, financièrement, c'est plus rentable d'avoir McDavid. En effet. Non, c'est... McDavid, tu y vas avec McDavid, là, t'échanges pas, hein. Tu le gardes. 100% d'accord. D'accord avec vous autres. On est quand même, on est tous dans le même, On finit cette émission-là en s'entendant tous super bien. Oh, c'est cool. Il y a de l'amour. Si on veut partager de l'amour du hockey avec vous autres, les boys, où est-ce qu'on vous retrouve? L'honneur est à toi, JS, de commencer. Moi, je suis principalement sur Twitter, @commercial JS Chapelot. J'aime ça discuter de hockey et de toutes sortes de sujets. Donc, venez me suivre, on va pouvoir jaser. Tes autres projets, sinon? Mes autres projets, ben, je suis sur bien des affaires, en fait. J'ai mon podcast avec William sur les séries télé et sur le cinéma, qui s'appelle Spoiler Alert Québec, donc Spoiler Alert QC. Sur Twitter. Sinon, je suis part-time à Parlons Balado avec mon collègue Maxime et aussi une fois de temps en temps à Facteur Geek, un podcast vraiment plus geek là, qui parle comme tous les autres podcasts geeks. Il y en a un petit peu. Je pense que tu en connais un, toi, JB, un podcast geek, je ne suis pas sûr. Réalité virtuelle, je pense. Ouais, en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que c'est là que vous pouvez me rejoindre. Et vous? Je vais y aller tout de suite. Je vais laisser closer Drury. Réalité augmentée, c'est mon podcast de techno. Sinon, ben, bien sûr, hors-jeu que vous venez d'entendre. Réalité Hog sur Twitter, facebook.com/RealitéHog pour ce qui est de Facebook. C'est les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Sinon, moi, personnellement, @GangG_B sur Twitter, où je ne suis que très, très peu actif. Facebook, sinon, ben, j'ai bien gagné. Cherchez-moi si vous êtes parloteux de hockey. Ça me fait toujours plaisir. Et on a les comptes pour hors-jeu. Hors-jeu podcast sur Twitter. Et facebook.com/ hors-jeu podcast sur Facebook. Jerry! Moi, en fond, personnellement, Jerry Godbout sur Facebook. Sur Twitter, @Godbout25. Twitter un peu moins actif, moi aussi, que Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Les Geeks sont parmi nous, un autre podcast, dans le fond, qu'on parle plus de trucs geeks en général. Sur Facebook, on est trouvable, sur Twitter aussi. Sinon, ben, il y a hors-jeu, comme ici. Sinon, j'apparais un peu aussi sur des chroniques mensuelles sur Podcast Egon Balloon, où on parle de fanfilms. Cool! Merci les boys d'avoir été là. Ben, merci de m'avoir invité, by the way, c'était super cool. Ben, écoute, tu reviens... quand ça fit, là, dans ton n'importe quand que j'ai un mardi à 6h45 le matin, là, je suis là. Exactement. Merci, Jerry. On se repogne? Yes. Hey, on va être en série prochaine fois. Yes. J'ai hâte de prendre moins de temps, là. Pas 3-4 semaines. Là. Non, c'est ça. On va essayer d'être plus rapide sur la gâchette. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont fait des passes à palette, genre William, et à tous ceux qui nous ont écoutés, genre tout le monde. Et ben merci d'avoir été là. Soyez nombreux la prochaine fois parce qu'on va revenir et on va être... aussi craqué, fou, mongol, malade que là, cette fois-là. Et on vous dit à la prochaine. Bye! Ciao, là! Salut!